Le freestyle, c'est l'émission où tout peut arriver. On peut même avoir une journaliste, une vraie de vraie dans Podcast Science. Ce soir donc, c'est freestyle, après près d'un mois sans émission et trois émissions balancées d'un coup à cause d'un trou noir et de deux déménagements. Nous sommes le 7 avril 2015 et c'est Podcast Science 2013, bienvenue. Salut à tous. Alors, on va commencer par un tour de table. C'est assez dur, là. Donc, on est 6 de Podcast Science plus une invitée. Alors, autant vous dire que le conducteur, c'est du grand n'importe quoi. Donc, autour de table, je me contente de lire. Je suis un messager. On a Irène à Santa Barbarella, Johan à Baltimore, Alan à Grosanne, Julie dans la Nice du Toutou, Pierre en direct du Zoo et Robin en direct du CERN. Ça se saurait. Bref, donc ça, c'est pour tout ce qui est Podcast Science. Vaut pas la peine de repréciser où est tout le monde. Je me permets d'ajouter que c'est le numéro 213 et pas encore 2013. J'ai dit 2013 ? Mon Dieu, ouais. Moi c'est fait. Énorme. C'est ça. Et donc, on reçoit comme invité Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Alors, au sommaire de cette émission freestyle, on va commencer par un interview de Stéphanie, comme ça vous saurez qui c'est, parce que là, le bonjour n'en disait pas beaucoup. Et puis après, on fera l'habituel retour sur les émissions précédentes. On aura aussi une rubrique fail de Robin, un joyeux blog audio préparé avec amour par un contributeur extérieur, et puis une quote et quelques plugs, et ce sera tout, si je ne m'abuse. On va pas t'embarrasser. Allez, c'est qui le contributeur extérieur ? C'est Fred. Bravo ! Ça va ? Toutes interrogations, le vieux dictateur qui vient juste... Tu sais que les anciens présidents de mouvement qui viennent faire des remarques, c'est pas trop à la mode en ce moment en France. Hein. Je veux pas faire d'allusion. Je suis pas en France, moi je m'en fous. Bref, mais sur ce, moi je laisse la parole. On passe à l'interview de Stéphanie. Ouais, bah Stéphanie, merci beaucoup d'être avec nous. Ça nous fait super plaisir de t'avoir. Bah, dans nos freestyles, on a eu pas mal de blogueurs, de podcasteurs, d'acteurs divers de la médiation scientifique en ligne. Il y avait de nombreux journalistes, certes, mais qui gèrent leur communication sur le web pour l'essentiel. Alors, en plus du plaisir de passer un petit moment avec toi, moi, j'avais très envie de te recevoir pour que tu nous parles de ta perspective, car toi, tu es une journaliste qui écrit dans de vrais journaux, en vrai papier. Puis bon, accessoirement, tu as un parcours super intéressant. Après ta thèse, tu as occupé tes années postdoctorales et étudié les cœurs d'embryons de poulets. Ça ne s'invente pas. Et pas que. Ouais. J'ai d'autres révélations à faire. Ah, ça va être un épisode grandiose, on le sent. On va revenir sur tout ça. Mais donc, tu as écrit pour les pages sciences du Temps en Suisse et du Figaro en France. Alors j'aimerais bien commencer par ça. C'est des journaux qui sont réputés pour leur position plutôt à gauche pour le Temps et bien à droite pour le Figaro. Je me demandais, ça fait une différence ? Est-ce qu'on traite les sujets scientifiques différemment selon ses allégeances politiques ? Alors, tout d'abord, encore un grand merci pour cette invitation. Je serais contente d'être avec vous ce soir et de pouvoir parler de tout ça. Et alors, pour répondre à ta première question, je pourrais déjà te dire que un peu à gauche, voire le très à gauche du Temps en Suisse, et finalement peut-être pas si loin du un peu à droite du Figaro en France. Voilà, ça c'est une précision pour les auditeurs français qui ne connaîtraient pas tout à fait le paysage politique suisse. Après, c'est une très très bonne question que je me posais moi-même, avant d'intégrer surtout la rédaction du Figaro, hein, pour être clair, avec quelques appréhensions aussi, soyons honnêtes. Et je dirais que, honnêtement, je n'ai pas senti de vraies différences liées à la politique. Je pense qu'après, on aborde la science, surtout selon un petit peu la tendance, la mouvance de la rédaction. Ça peut être le rédacteur en chef, ça peut être le chef de rubrique. C'est un petit peu lui qui va donner le lead. Et c'est vrai que parfois, ça peut... on n'est pas forcément toujours d'accord. En tant que journaliste, on n'a pas forcément la même sensibilité, surtout sur certains sujets sensibles. Par exemple, les OGM. Voilà, moi, c'est un des souvenirs que j'ai des sujets qui ont un petit peu accroché. Mais je dirais pas donc qu'il y a vraiment de politisation. J'ai eu la chance de travailler surtout avec des gens très ouverts. Et je pense que c'est surtout ça qui fait que j'ai pas d'impression qu'il y ait vraiment de pression. J'ai une question hyper naïve, c'est que je me demande si ces journaux assument leur allégeance politique. En particulier, je connais pas le Temps, mais je connais le Figaro. Et je me demandais si au sein de la rédaction, on se dit comme un journal de droite ou si on se dit comme un journal neutre. Alors, je pense qu'au sein de la rédaction, on n'a pas besoin de se dire grand-chose. ça se sent. Par contre, il est très clair que... Voilà, ça on le découvre quand on intègre une rédaction. C'est pas parce qu'un journal a une ligne éditoriale, plutôt à droite ou plutôt à gauche, que les gens qui écrivent à l'intérieur ont une tendance ou une sensibilité personnelle qui va de ce côté-là. Je pense que c'est un secret pour personne. Une grande majorité des journalistes sont plutôt de gauche, en tout cas en France. C'est peut-être un peu différent en Suisse. Et même au Figaro, si c'est purement statistique et si on regarde tous les gens qui écrivent pour le Figaro, je pense qu'on n'a pas une majorité de journalistes de droite. Après, par contre, il y a une ligne éditoriale qui existe et on la suit, effectivement. Super intéressant. Mais donc, tu dis que ça dépend essentiellement du rédacteur en chef ou éventuellement du chef de rubrique. Là, c'est des journaux généralistes, enfin, c'est de la presse qui touche un peu à tout. Est-ce qu'il y a vraiment une culture scientifique chez les journalistes touche-à-tout? Est-ce que la rédaction en chef comprend la science, comment on doit la traiter, ce qui en fait la spécificité? Alors en fait, j'ai réalisé c'était le sujet de mon mémoire de master de journalisme, voilà, que j'ai passé il n'y a pas si longtemps finalement, et donc je me suis intéressée à qui sont les journalistes scientifiques dans la presse quotidienne nationale en France. Et ça m'a amené à savoir surtout comment se construisaient ou déconstruisaient les rubriques sciences dans ces journaux généralistes. Et il y a quelque chose qui est qui se retrouve à peu près partout dans l'histoire des titres, c'est-à-dire que l'évolution des pages ou des cahiers sciences évolue clairement en fonction de l'appétence du rédacteur en chef ou du directeur des rédactions pour la science ou pour la santé. Alors bon, c'est clair qu'il y a un switch un petit peu quand même actuel entre science et santé. La santé mange petit à petit, grignote l'espace dévolu à la science, surtout en France. Le temps résiste encore pas mal en Suisse. Mais il y a un lien très clair entre ça. C'est-à-dire qu'une rubrique science va exister si effectivement le rédacteur en chef est intéressé à une appétence pour ça. Alors lui, il peut être par exemple fan d'astronomie et il a envie qu'on lui parle un petit peu d'astronomie. Donc il se fait une rubrique science. Et puis après, heureusement, tous les autres sujets d'actualité scientifique peuvent rentrer dans la rubrique. L'essentiel, c'est que la rubrique existe. Qu'il y ait des journalistes qui soient vraiment dévolus à cette rubrique. Et après, c'est souvent, il faut se faire à l'idée que le rédacteur en chef ou que le directeur des rédactions va avoir un regard sur la science qui est celui de monsieur, madame, tout le monde. Donc ça peut avoir des avantages. on a une vision un petit peu différente de la sienne quand on est spécialiste scientifique, ça remet un petit peu l'église au milieu du village. Et des fois, c'est compliqué parce qu'on aurait envie de traiter des sujets peut-être un petit peu plus pointus et c'est pas toujours évident à faire passer. Ok. Tu disais que ton travail de master portait sur qui sont les journalistes scientifiques. Oui. T'as des réponses. Oui, j'ai fait un vrai travail d'enquête avec des vrais résultats, monsieur. Hein. Je pourrais même partager mon mémoire avec vous si vous le souhaitez. Oui, j'ai des réponses. Donc effectivement, souvent, les journalistes qui travaillent dans des rubriques étiquetées en sciences ou santé sont quand même des gens issus d'une filière d'études scientifiques. Donc un profil qui se retrouve assez souvent, c'est l'étudiant fan de sciences qui est allé jusqu'au master et qui est arrivé à la deuxième année de master et qui a commencé à mettre les pieds dans un laboratoire. Et c'est généralement le premier contact avec la recherche qui brise le mythe et qui fait réfléchir les gens, voire reculer les gens. Et ce que racontent souvent les personnes en entretien, comme ça, quand elles font part de leur historique, elles disent « je me suis rendu compte que j'aimais les sciences, mais que j'aimais pas la recherche ». Et il y a une différence très claire qui est faite entre ça et finalement, c'est des personnes qui veulent continuer à apprendre des choses, à découvrir des choses, mais qui n'ont pas l'intention de rentrer dans le système académique, en fait, qui souvent les déçoit. Voilà. Ça a dû résonner pour toi. Toi, tu es une rescapée de la recherche, justement. Tu peux peut-être nous en dire un mot? Une rescapée. Oui, je suis une chercheuse défroquée. Parce que je pense qu'on quitte un peu la recherche comme on quitte les ordres. C'est une communauté, c'est une grande famille. Mais disons que moi, j'ai quand même été plus loin que le master. Je suis quand même restée une bonne dizaine d'années dans la recherche, à écumer comme ça les universités françaises et helvétiques. Et j'ai mis un petit peu plus de temps, effectivement, à changer de chemin et à me diriger vers le journalisme. Ok, tu peux peut-être nous parler rapidement de ton parcours. Tu as étudié quoi exactement ? Alors, j'ai fait de la recherche parce que mon rêve était d'étudier les protéines découplantes des mitochondries des manchots en Antarctique. Et finalement, j'ai fait une thèse sur l'hypertension artérielle chez l'être humain. Donc voilà, ce qui montre déjà ce qui est assez représentatif des méandres de la recherche. Avec, excuse-moi de t'interrompre, avec prélèvement pour les manchots, là ? Oui, c'était un petit peu pour ça que je voulais faire. Je voulais partir dans les campagnes. Alors à l'époque, les gens partaient 14 mois en Terre Adélie. Et donc, elle a étudié les manchots sur place. Effectivement, il y a des prélèvements. Il faut le savoir, il y a des manchots. Peu, mais qui sont sacrifiés pour la science. Voilà. Il n'y a pas que des souris ou... Sacrifiés ? Attends, les prélèvements, c'était pour... si c'était pour des mitochondries, c'était pas juste quelques plumes ou ça ne sera pas suffi ? Non, parce qu'il fallait du tissu adipeux brun, des choses comme ça, donc c'était un petit peu invasif, on va dire, comme prélèvement. Voilà. Mais c'était il y a longtemps, manchots, peut-être que ça se fait plus. Mais c'est super cruel. Ah, mais c'est de la recherche. Voilà, non, mais je déconne. Je connais. Donc, à la place d'aller tuer des manchots sur la banquise, finalement... J'ai essayé de sauver la vie de patients. C'était okay. Quand même... C'est assez radical, quand même. Hein. Oui, mais j'espère un jour quand même fouler la banquise. Et peut-être qu'un jour, j'aurai tellement d'argent que je pourrais me payer une de ces fabuleuses croisières en Antarctique pour touristes hyper friqués. Tu pourras aller tâter de la mitochondrie. Voilà. Et donc... Ça ferait un bon sujet d'émission, ça, l'utilisation des animaux dans la recherche. En fait, ça serait peut-être pas mal. Enfin bref, pardon, je vous ai coupé. Non, mais effectivement, c'est un excellent sujet, les animaux dans la recherche. Et c'est une des raisons, d'ailleurs, qui a contribué à ce que j'arrête. Donc voilà, mais on y arrivera à la fin. Et après, donc effectivement, je suis partie m'installer. Donc j'ai passé ma thèse à Lyon. L'université Claude Bernard, et après je suis allée m'installer dans les magnifiques Alpes suisses, où j'ai passé 4 ans à Lausanne et puis presque 4 années aussi ensuite à Genève. Voilà. Donc j'ai travaillé d'un côté sur un modèle assez exotique, puisque je travaillais sur des cœurs d'embryons de poulets, de 4 jours pour être précise. Et ensuite j'ai travaillé sur des modèles un petit peu plus classiques, à savoir le rat. Voilà. Là, je pense que ça vaut le coup quand même de préciser comment on visualise, parce que les gens s'imaginent bien que c'est dans un œuf, comment justement on visualise le cœur d'un poulet. Alors, le matin, tu arrives et tu sors de l'incubateur un plateau d'une trentaine d'œufs fécondés et que tu as bien mis à incuber 4 jours plus tôt. Et tu récupères ces œufs tièdes et tu vas ensuite casser ces œufs précautionneusement au-dessus d'un énorme bécher de 2 litres. Et récupérer le petit embryon qui ne s'attend pas à cette fin tragique, mais qui va servir la recherche. Et donc, une fois que tu as récupéré les petits embryons, tu précautionneusement, sous une loupe binoculaire, tu vas leur arracher le cœur. Voilà. On a perdu tout le monde. J'ai perdu tout le monde. Ouais, dit comme ça, c'est vrai que ça fait un peu peur. Bon, durant ces 4 années de travail, j'ai quand même espéré que, à cet âge-là, les embryons de poulet ne sentaient pas trop ce qui était en train de se passer. Et puis, on essayait de faire vite et bien. Et voilà. Je sais pas ce qui est le pire entre l'histoire ou Topo qui tenait à la préciser absolument, quoi. Alors en fait, c'est parce qu'il y a plusieurs protocoles, c'est pas exactement celui que j'envisageais, mais ça doit être pour moi, pour des embryons qui sont peut-être plus précoces, dans lesquels on fait juste une petite fenêtre. Pourquoi relancer Topo sur un sujet ? Mais non, mais c'est mignon. On fait en fait juste une petite fenêtre, et je sais pas justement si Stéphanie t'a pas fait ces expériences-là, où on met un petit peu d'encre, et on peut voir le cœur pomper juste après l'organogénèse, donc les premiers mouvements cellulaires qui permettent d'avoir un protocœur fonctionnel. Alors là, effectivement, c'est des protocoles qui existent. Nous, on était un petit peu obligés d'explanter ces cœurs dans la mesure où l'objectif était d'étudier les effets de l'hypoxie sur ces cœurs pour voir comment le manque d'oxygène à un moment très précoce du développement pouvait justement impacter la suite, l'avenir de l'organe. Donc, il fallait ensuite monter les cœurs dans des chambres où on pouvait perfuser aussi des solutions avec différentes molécules pour essayer de contrebalancer les effets de l'hypoxie. Donc, on ne pouvait pas travailler directement dans l'œuf. Mais c'est effectivement, il y a plein de gens qui travaillent sur des embryons, même un petit peu plus évolués, hein, qui font des fenêtres. Oui, les dernières avancées justement dans les technologies pour faire ça, mais c'est toujours pour l'observation et non pas pour les protocoles que tu envisages justement, où il faut faire passer des molécules, etc. Il y a une équipe japonaise, je crois, qui a transformé la coquille totalement transparente des poulets pour pouvoir voir l'œuf sans nécessairement lui porter préjudice. Waouh, c'est très smart comme protocole. La coquille transparente, c'est vrai que nous, on n'avait pas ça, voilà. Voyeur. Non, mais en même temps, toi, ton protocole, visiblement, c'était, oui, c'était hors de question, de toute façon, de alors le faire. Alors après, c'est on aurait pu éventuellement perfuser dans, dans l'œuf via la circulation. Peut-être un truc à creuser. Ok, bon, donc ça, c'était pour la parenthèse sur ton parcours académique. Voilà. Voilà, il faut donc casser des œufs, c'est la leçon qu'on retiendra. Oui, tous les matins, 2 litres de jaune d'œuf, ça vous passe l'envie hein, en fait. Hein. Après, on n'est plus très, très potes avec les œufs brouillés ou l'omelette du brunch du dimanche. Ok, et puis le temps et le Figaro, j'en parlais au passé, parce qu'après de longues années à essayer de faire passer les messages scientifiques à travers ces outils de communication que sont les journaux. Tu fais maintenant en quelque sorte le contraire, puisque tu aides des scientifiques à communiquer, si j'ai tout bien compris. Tu peux nous parler un peu de pourquoidocteur.fr et de ce que tu y fais ? Oui, alors j'ai récemment pris les fonctions de rédactrice en chef de deux médias qui sont étroitement liés. Donc un qui s'appelle Pourquoi Docteur et qui est un site donc d'infos santé, de news santé en ligne. Et l'autre qui s'appelle Fréquence M et qui est une web radio, mais cette fois-ci destinée uniquement aux médecins. Donc c'est un petit peu l'équivalent radiophonique de la presse professionnelle. Voilà. Et après avoir traité des infos plutôt, enfin, je faisais peut-être un petit peu plus de science, là je suis vraiment sur la santé, que la santé, plus que la santé. Et donc toutes les publications scientifiques qui sont affiliées, donc tout ce qui va toucher effectivement à la santé humaine, mais aussi à des publications de biologie un petit peu plus expérimentales, puisque des fois on s'autorise à emmener le lecteur vers quelque chose de plus fondamental, de moins appliqué. Et donc voilà, donc là c'est des responsabilités, c'est effectivement différent, c'est faire être un petit peu en haut, faire des choix éditoriaux, et décider de ce qu'on va donner à lire à nos fidèles lecteurs, internautes. Voilà. Donc j'ai un petit peu abandonné le papier, même si effectivement on peut encore me lire dans certains titres suisses de manière occasionnelle. Ah, dans lesquels ? Alors je signe une fois par mois la page médecine du matin dimanche. Ah d'accord, voilà. Excellent. Je serai normalement d'ailleurs dans le prochain, dimanche prochain, Alan, tu pourras aller acheter le matin dimanche, mettre tes sous dans la petite caissette et ouais. Tu auras le droit de me lire. J'irai me procurer le matin dimanche. Voilà. on ne vole pas le matin dimanche, on met bien. Voilà. C'est ce truc, c'est ce journal qui s'achète d'une manière qu'on ne pourrait pas faire en France, où tu mets une pièce et tu dois n'en prendre qu'un et surtout pas prendre toute la pile. Et surtout mettre toutes les pièces. Et mettre toutes les pièces, d'accord. C'est rigolo. D'ailleurs, je ne crois pas qu'on ait donné ton nom encore. On t'a présenté comme Stéphanie, mais si jamais ta signature, enfin c'est ton nom, c'est Stéphanie Gardier. C'est oui, ça. Oui, c'est ma signature et mon nom. Ok. Justement, tu parlais de fréquence M, fréquence médicale. En préparant l'interview, je suis tombé dessus et puis j'ai été épaté. Je ne savais pas que. Enfin, là, je me suis même rendu compte que t'avais fait d'autres projets de radio avant. On a affaire à une pro de l'antenne, là. Non, je dirais pas ça, mais quelqu'un qui aime bien parler dans le micro, voilà. Ouais, bon, ça se sent, t'es très à l'aise. Mais t'as quand même fait un truc assez challenge, j'ai trouvé. T'as réussi à interviewer un intervenant atteint du syndrome d'Asperger. Oui, alors je suis très contente qu'on revienne sur cette expérience parce que c'est encore tout frais et puis, et puis justement je débriefais avec mon directeur des rédactions ce matin dessus. Tous les matins en fait je signe un vue dans la presse pour Pourquoi Docteur, donc c'est-à-dire que je fais une revue de presse et je choisis un sujet sur lequel j'écris en mode un petit peu édito. Et le mois dernier, donc il y avait la journée mondiale ou nationale, je me souviens plus très bien, donc du syndrome d'Asperger, pour lequel était interviewé Joseph Chovanec par Le Parisien. Et j'ai adoré cette interview. J'avais déjà lu d'autres articles sur Joseph Chovanec, qui a un parcours complètement ahurissant, puisqu'il est docteur en philosophie, chercheur et chargé de cours à l'Université de Bucarest, auteur, il parle cette langue, il chronique sur Europe 1. Et il a été diagnostiqué, donc, effectivement, autiste Asperger à 22 ans. Je vais me permettre une petite parenthèse, justement. Je repère ce nom parce que je l'ai vu passer dans le blog L'Aventura, le blog Le Monde, qui est tenu par quelqu'un qui est contributeur au site de Strip Science. J'ai mis le lien dans la chatroom pour que vous puissiez regarder, qui visiblement a fait aussi un interview, mais cette fois-ci non pas retranscrit en audio, mais retranscrit en BD. Ah, format intéressant. Et voilà, et donc j'étais très intéressée. C'est un sujet qui me paraissait vraiment... on n'en parle pas forcément toujours ou assez de l'autisme. Donc là, il y avait un petit peu une occasion, puisque quand on est journaliste, qu'on travaille sur l'actu, il faut qu'il y ait une accroche actu, voilà, comme on dit. Et Joseph Chovanec a traduit et adapté Comprendre l'autisme dans la collection Pour les nuls. Et je trouvais ça assez intéressant qu'on prenne ce sujet parfois ou souvent présenté de manière dramatique et qu'on l'amène dans cette collection pleine d'humour et de dérision. Donc j'ai voulu le rencontrer et j'ai fait cette interview. Et c'était un excellent moment. on a discuté pendant 45 minutes, alors que voilà, son attaché de presse m'avait dit que ce sera 20 minutes. Alors j'étais un petit peu frustrée d'avance et puis finalement ça a été mieux que prévu. Mais après, c'est compliqué. Donc voilà, bah, si tu as écouté l'interview... donc après, c'est une interview qui est montée. Hein, on choisit quelques passages, on a quelques questions. Et moi, j'étais un petit peu déçue voilà, par rapport à tout ce qui s'était passé dans notre entretien complet, du rendu de cette interview coupée. Mais c'était une très belle rencontre journalistique. C'est ces moments où on est très content, voilà, d'être journaliste et de pouvoir avoir des rendez-vous avec des auteurs, avec des chercheurs, avec plein de personnalités très intéressantes. Et je pense que finalement, l'interview aurait été beaucoup plus sympathique en vidéo. Et sinon, j'ai écrit un article, j'ai retranscrit en fait cette interview sur notre site, et je pense que ça passe mieux aussi en papier, à l'écrit, on va dire. Voilà. Mais en tout cas, oui, c'était un peu challenging. Juste pour revenir sur ton expérience en radio, tu peux nous en parler un petit peu? Donc, tu as contribué à Recherche en cours, à l'IGFM, à d'autres choses encore? Oui, alors j'ai fait des chroniques pour Recherche en cours sur l'IGFM. Donc, Recherche en cours, c'est une émission qui a lieu deux fois par mois, qui est animée par... donc Jean-Marc Galland, que j'ai rencontré lors de mon master, puisque c'est lui qui animait les cours de radio, et qui nous prêtait en fait son émission pour qu'on se fasse un petit peu les dents et qu'on apprenne à causer dans le micro. Donc voilà, c'est une émission. Donc Jean-Marc est aussi un chercheur défroqué, donc ça c'est important. Je crois que c'est ce qui... je me suis dit, ah, c'est cool, je ne suis pas toute seule. Il y a une vie après la recherche. Et donc, lui travaillait au CNRS. Il est resté au CNRS, mais il est passé du côté un peu médiation. Et il anime effectivement donc cette émission qui s'intéresse vraiment aux recherches en cours, puisqu'on parle toujours des résultats. Voilà, moi, c'est ce que je fais tous les jours. Je choisis des études qui viennent d'être publiées, donc on a des résultats. Et là, lui, s'intéresse vraiment à ce qui est en train de se faire. Donc, des projets qui débutent, des projets qui sont un peu, des fois, qui durent plus longtemps que ce qu'on pensait. Mais en tout cas, voilà, de la recherche en train de se faire. On reçoit un ou deux invités, on a une heure, donc ce qui est très confortable. Et donc Jean-Marc a eu la gentillesse de me faire un peu de place dans son émission pour que j'y anime une chronique une fois par mois. Et je me suis intéressée, donc j'ai fait un petit tour du monde de la recherche. j'ai voulu retrouver tous ces gens qu'on voit partir en post-doc ou qui s'expatrient parce que l'herbe semble plus verte dans les laboratoires hors hexagone, mais dont on sait rarement finalement ce qu'ils deviennent. Donc voilà, j'ai exploré de Singapour à Israël en passant par Moscou ou le Costa Rica. Des expériences, j'ai retrouvé des chercheurs qui étaient encore sur place ou qui étaient rentrés, et puis pour confronter un petit peu leur expérience d'expat, de chercheur expat, à ce qu'ils avaient vu du système de recherche français. Et sinon, donc oui, en parallèle, j'ai aussi fait des chroniques pour La Puce à l'oreille, qui est l'émission scientifique de Radio Campus, et où là, je faisais une chronique qui s'appelait la chronique What the Fuck, et qui parlait des études, soit des études un peu branques, soit des études mal comprises par les médias, mais très très médiatisées, ce qui donne toujours lieu à des grandes discussions généralement dans les laboratoires. Voilà, c'est ces études dont le matin un chercheur arrive et puis il a le journal gratuit dans les mains, puis il dit « Ah, mais regarde, ils ont encore rien compris, ces journalistes. » Et voilà, donc on discutait un petit peu de ça. Ok, bah, t'as de la chance d'être débordé parce que là, tu te serais fait recruter pour podcastion. Bon, je vais y penser. Si j'arrive à dormir moins de 7 heures la nuit, je peux peut-être faire quelque chose pour vous. Mais... c'est pas tombé dans l'oreille de sourd. Il y avait une étude scientifique, hier sur le temps de sommeil et la durée de vie des gens. Et moins de 7 heures, c'est pas bon. Oui, alors ça, c'est un énorme problème quand tu es journaliste santé, par exemple. Tous les jours, tu es face à des choses terribles puisque tu dois écrire sur la sédentarité, manger devant son ordinateur n'est pas bon, vous coucher trop tard ou dormir pas assez augmente votre risque de diabète, votre risque de mort subite, or c'est la vie d'un journaliste. Et c'est très très dur psychologiquement, faut l'avouer, on n'en parle pas assez. Je suis pas sûr d'avoir compris la chronologie. Tu participes toujours à ces émissions ou c'est fini ? Non, j'ai dû arrêter parce qu'effectivement j'ai plus le temps. Voilà. Mais ça a été vraiment. Enfin, j'ai adoré faire ces émissions. Voilà, c'est de la radio bénévole. On a une liberté assez grande, voire très vaste. et c'était vraiment beau. Je faisais ça avec beaucoup de plaisir. Du coup, moi, je suis assez intéressé parce que justement, je vois le système d'Aligre FM dans lequel vous avez finalement un studio qui vous est fourni. Comment ça s'est passé justement pour obtenir ça, pour qu'une radio qui soit est bénévole obtienne des studios ? Oui, je suis intéressé. C'est pour ça que tu rigoles, Anan. Alors, Aligre FM, il faut savoir que c'est une des premières radios libres. De l'époque d'il y a longtemps, hein, et qui a subsisté en fait. Donc elles sont très très peu, hein, ces radios, à avoir survécu pendant plus de 30 ans. Mais c'est compliqué, donc Aligre FM fonctionne avec un petit peu de subventions et puis beaucoup de bonne volonté de la part des gens qui la font tourner. Mais donc oui, on a un studio. Il y a même un réalisateur disponible pour l'enregistrement des émissions. Et il y a beaucoup, beaucoup d'émissions finalement qui se font à Aligre FM. Si vous regardez donc, sur le site de la radio, il y a foultitude. Et c'est très divers. Ça va de la musique brésilienne en passant à des réflexions philosophiques, à des émissions effectivement de science. Donc voilà. Après, plus concrètement, comment on fait pour rentrer dans Aligre FM et obtenir une tranche horaire? J'avoue que je ne saurais pas te dire. Mais je peux me renseigner. Bah écoute, ouais. Bon, il faudra qu'on atteigne un format stable par contre, hein, si on veut rentrer dans Aligre FM. Quoi. Ah oui, ça par contre, là, c'est, ouais, c'est un petit peu. Hein. Je pense que c'est mort, on va rester en ligne. Non, mais c'est à quelle fréquence, recherche en cours ? J'ai pas l'impression que recherche ce soit... en cours, c'est une fois tout, c'est un vendredi sur deux en fait. Non, mais c'est la question de la durée de l'émission. Recherche en cours, ça reste calibré comme une émission de radio. Je sais pas si tu as déjà écouté, mais c'est vraiment calibré au niveau durée de l'émission. Oui, parce qu'on se fait sortir après par l'émission d'après. C'est un problème qu'on connaît pas ici. Heureusement, on est tellement pro, je viens de changer mes piles pendant que vous en avez, les piles du micro, parce que j'ai voulu parler, je ne pouvais plus, il n'y avait plus de piles dans le micro. On est vraiment tellement pro sur Podcast Science. Tu as utilisé plusieurs fois l'expression chercheuse défroquée. Oui, j'assume. Comment s'est passée l'excommunication et surtout l'excommunion, je ne sais même pas comment on dit. Et puis surtout, comment tu t'es retrouvé à faire du journalisme au final ? Alors, l'excommunication, je crois que c'est comme ça hein, qu'on dit, c'est bien passé. Ça s'est bien passé. Donc ça, c'est pareil, je tiens à le souligner, je suis pas du tout partie fâchée. Je suis vraiment restée amoureuse et des sciences, mais aussi vraiment de la recherche et des gens qui la font. Je crois que j'ai une vraie... c'est plus qu'une sympathie hein, pour mes anciens collègues. Et c'est pour ça que je suis ravie de pouvoir tous les jours mettre en avant les travaux de certains. J'ai décidé... alors, c'est toujours compliqué. Hein. Pourquoi t'as arrêté la recherche ? Parce que c'est d'abord ça. C'est une conjonction de plusieurs circonstances qui font que... Mais je pense que j'étais arrivée à un moment où finalement, ça a été ça le premier marqueur. Je prenais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de plaisir dans ce que je faisais, voire plus. Et ça, pour moi, ça a été un choc parce que c'est vraiment un job que j'ai choisi par passion. On passe pas un doctorat par hasard, on choisit pas de faire un postdoc puis un deuxième comme ça pour juste pour le fun. Donc j'avais des convictions. J'avais une vraie envie et petit à petit je crois que le désir a foutu le camp quoi, voilà, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Je trouvais ça très triste et je me suis dit que je voulais pas être une de ces scientifiques qui s'accroche un petit peu comme une moule à son rocher et qui bon gré mal gré se dit qu'elle va faire une carrière en étant peut-être plus très très pimpante, très motivée, très voilà. Je pense que j'enseignais beaucoup aussi. Enfin, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. J'ai toujours enseigné à côté de la recherche, parce que voilà, j'étais enseignant-chercheur plus que chercheur. Et c'est pareil, je commençais un petit peu à m'essouffler et je trouvais ça d'une tristesse, mais profonde, parce que quand on va en cours et qu'on est... Enfin, j'ai plein de collègues hein, qui se traînent en cours, enfin, qui se traînaient pour aller en cours, et je trouvais ça tellement triste. Donc voilà, je voulais pas devenir une chercheuse acariâtre, frustrée. Donc j'ai commencé à réfléchir à d'autres choses. Et le journalisme est un peu arrivé un peu par hasard, parce que c'est compliqué quand on pense à une reconversion. Et en fait, je crois que... Je me souviens plus exactement, mais je crois que ça s'est passé comme ça. J'ai vu un article sur une formation de journalisme scientifique donc, qui se passe à Paris 7, Diderot. Et là, je me suis dit, oh, mais oui, mais ça, c'est génial, le journalisme scientifique. C'est transmettre, c'est vulgariser, c'est être en lien avec les gens, c'est passer un message, c'est plein plein de choses. Donc voilà, donc je me suis renseignée, j'ai rencontré avant toute chose des gens qui faisaient ce métier. Je voulais savoir un petit peu comment ça se passait. Donc je pense que j'ai à peu près écumé toute la Suisse romande, télé, radio, journaux, voilà. Ça c'est le privilège de la Suisse, c'est que le côté petit du pays fait que les gens sont plus proches et plus facilement accessibles. Je pense que j'aurais pas du tout pu faire la même chose à Paris. Et petit à petit, voilà, l'envie a monté. Donc j'ai monté un projet parce que c'était un petit peu compliqué à mon âge. Et voilà, j'ai passé les tests de sélection. J'ai été retenue et j'ai repris mes études. Voilà. Et donc je suis retournée. J'ai posé mes pipettes fin juillet. J'ai donné mes derniers cours au mois de juin et au mois de septembre, j'étais sur les bancs de la fac. T'avais quel âge ? Pardon. Ouais, pardon. Vas-y, Alain. J'avais quel âge, c'est ça la question ? Oui. J'avais 35 ans. Ok. Et donc, ma question, c'était tes heures d'enseignement. Tu les donnais à quel titre ? En tant que vacataire, en tant que contractuel, à terre ? Alors, quand j'étais en France, j'enseignais durant ma thèse, j'étais monitrice. Donc, ça faisait partie de... Voilà, j'étais monitrice. Donc là, j'ai enseigné les 64 heures annuelles. Ensuite, quand je suis arrivée en Suisse... Alors, c'est très différent, hein, le système en Suisse. Les chercheurs ont beaucoup moins d'heures d'enseignement. C'est pas du tout... ça se passe vraiment pas comme en France. Il n'y a pas un volume imposé à tout le monde. Donc, certains ont des enseignements, d'autres pas. Certains en ont plus que d'autres. Enfin, c'est beaucoup plus freestyle, pour le coup. Et donc moi j'ai demandé à avoir des heures, donc je me suis j'ai dit est-ce que je peux, tout le monde me regardait un peu bizarrement parce que c'est comme en France, hein, y a peu de personnes qui se battent pour enseigner. Et donc là c'était un petit peu c'était du bénévolat finalement parce que j'étais pas plus payée parce que j'enseignais, mais mon chef, mon directeur de recherche qui lui-même enseignait trouvait ça très bien et donc me laissait partir du labo quand j'avais des heures à assurer. Pierre, c'était... Pourquoi cette question ? Pourquoi Pourquoi c'est... Non, mais attends, c'est pas moi qu'on interview. Non, mais ça m'intéresse de comprendre le fond de ta question. Moi, je l'ai même pas comprise, en fait. Je connais pas cette terminologie vacataire, etc. C'est du jargon franco-français, ça. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, tu peux faire tes heures d'enseignement sous différents contrats. Tu peux faire des heures de vacation, dans le sens où tu fais quelques heures qui sont payées au lance-pierre et qui sont une sorte d'activité extra-professionnelle. Tu peux faire quelque chose qui est intégré dans ton contrat. C'est par exemple le cas du monitorat, dans lequel c'est un contrat doctoral qui, pour obtenir une bourse d'une certaine somme, nécessite que tu fasses des heures d'enseignement. C'est aussi une sorte de passerelle pour devenir enseignant-chercheur à l'issue de ton doctorat. Et enfin, moi par exemple j'en ai bénéficié, tu peux payer tes années surnuméraires de thèse en prenant un rôle spécial en France qui s'appelle ATER, c'est attaché temporaire d'enseignement et de recherche, et qui nécessite de faire des enseignements. D'accord. Voilà. Ce que tu cherchais à évaluer, c'était combien d'heures elle enseignait, c'est ça? Exactement. D'accord. Okay. Et ouais, globalement, sous quelle forme aussi? Ouais, en Suisse, c'était super intéressant. Donc, bon, je suis partie effectivement de France où j'ai fait ce monitorat. Donc, c'était des TP, des TD principalement. Je faisais donc 64 heures équivalent TD par an, si je me souviens bien. Après, donc en Suisse, j'avais un volume horaire qui était moindre. Je pense que j'enseignais à peu près 40 heures, les plus grosses années, j'enseignais 40 heures par an. Mais par contre, sous des formes beaucoup plus, plus intéressantes, en tout cas plus originales, puisqu'ils ont un truc qui s'appelle l'APP en Suisse, donc l'apprentissage par problème, qui est surtout utilisé dans les facultés de médecine, et qui est absolument génial, puisque ça nous vient du Canada, l'université de Sherbrooke. Et effectivement, donc on est en groupe, l'enseignant est en groupe avec, idéalement c'est 8, hein, ça finit souvent à 10 ou 12 étudiants. Et on bûche en fait sur un cas clinique, on leur propose un cas clinique, et c'est eux qui vont construire leur apprentissage. L'enseignant finalement se doit de rester à sa place, qui est celle d'un tuteur. Donc on est vraiment là pour les faire progresser dans leur apprentissage, pour les guider. Donc il y a un cas, enfin voilà, par unité, par exemple. Donc moi je m'occupais de cardiologie par exemple, donc il y avait 6 problèmes pour traiter le programme de cardio, et chaque problème est traité en 2 séances, un aller et un retour. Donc à l'aller, on défriche, on pose les questions, ils essayent de progresser par eux-mêmes avec ce qu'ils ont déjà comme connaissance, et après ils bûchent un petit peu avant le retour, et ils arrivent, ils mettent en commun ce qu'ils ont pu découvrir entre temps pour essayer d'expliquer ce cas clinique qu'on leur a soumis. Et j'ai trouvé ça très très intéressant, c'est quelque chose que je connaissais pas du tout, j'ai dû me former pour le faire, et j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs toutes les formations à la pédagogie qui étaient proposées en Suisse, où j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu plus d'efforts qui étaient faits qu'en France, et voilà, donc je trouvais que c'était une manière d'enseigner assez intéressante. Et j'ai principalement enseigné à des étudiants en médecine, voilà, ce qu'on peut rarement faire en France, puisque les non-médecins pénètrent rarement dans les amphithéâtres. Moi, j'ai fait mes vacations pendant ma thèse en première année de médecine pour faire de la physique. C'était assez intéressant, parce qu'ils m'aimaient pas trop ça, mais comme ils bossaient beaucoup, ils finissaient par y trouver un intérêt à la fin, et j'ai bien aimé. Et donc, c'était en France? C'était en France, oui, à Paris 5. Si. Ok, Stéphanie, est-ce que cette expérience d'enseignement a un lien avec ce que tu as fait par la suite? C'est ça qui t'a donné l'envie de communiquer sur la science, de partager? Oui, je pense, parce que globalement, est-ce qu'il me manque... Alors les gens me posent la question encore et me disent, est-ce que ça ne te manque pas la recherche? Alors je dois avouer que non, la recherche ne me manque pas. Par contre, l'enseignement me manque un peu. Et je prenais énormément de plaisir dans cette tâche-là. Ce qui, encore une fois, n'est pas le cas de beaucoup de chercheurs qui vivent plutôt ça comme une obligation. Mais non, moi, je trouvais que c'était vraiment très enrichissant. J'adorais les échanges avec les étudiants. Je trouvais que ça obligeait à une remise en question permanente, que d'une année sur l'autre, ben voilà, on pouvait arriver avec le même programme, les mêmes cours, mais qu'on ne savait jamais exactement ce qui allait se jouer pendant ces heures d'échange. Et je trouvais ça vraiment... oui, je crois que c'est ça, c'est enrichissant humainement, scientifiquement, et ça empêche de tourner un petit peu en rond dans ses certitudes, parce qu'ils ont cet avantage, c'est tout le temps un petit peu mettre le doigt là où ça fait mal, et d'obliger à progresser, parce que c'est immanquablement sur la partie qu'on maîtrise le moins qu'ils ont plus de questions, ça c'est systématique. Donc voilà, et je crois que oui, il y a beaucoup... Pareil, j'adorais, la partie que je préférais, c'était aller en congrès, faire des présentations, préparer des posters, choses comme ça. Donc je crois que j'avais plus que de faire la recherche, ce qui me plaisait vraiment, c'était de transmettre à la fois les résultats sur mes travaux et puis aussi les fondamentaux à des étudiants. Donc là, je retrouve dans le journalisme, très clairement, il y a des similitudes. Il faut accepter de se décarcasser pour un petit peu métaboliser un message qui n'est pas toujours très clair, pas très facile, et puis apporter quelque chose de construit au lecteur en faisant un tri, en ayant un regard, en faisant en hiérarchisant l'information. Et ça, je crois que c'est typiquement ce qu'on fait quand on prépare un cours. Donc après, effectivement, la forme finale est très différente et il ne faut surtout pas rentrer dans ce biais-là quand justement on fait du journalisme scientifique. Ce qui est parfois le défaut de certains vulgarisateurs. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses en commun, oui. Ouais, si on peut s'arrêter deux minutes sur ce biais, c'est intéressant. C'est quel biais ? C'est le biais de faire de la pédagogie en faisant de l'information, ouais. C'est ça ? Ouais, ça, je crois que c'est quelque chose qu'on retrouve... Enfin, ça... C'est sans doute plus exacerbé chez les personnes qui ont une grande, qui ont une culture scientifique en fait, et qui vont chercher à soit d'une certaine manière étaler ce qu'elles savent, soit vouloir trop en faire et faire rajouter un cours au milieu de leur article, et c'est assez indigeste. Et je pense qu'il faut être très vigilant là-dessus, c'est-à-dire que faut bien savoir à qui on parle. Et moi, c'est un problème auquel je suis confrontée maintenant tous les jours, puisque je traite une information que je vais d'un côté, qui va aller vers le grand public, et de l'autre côté, que je vais distribuer à des médecins. Donc, on ne parle pas du tout de la même manière aux deux. On ne met pas du tout les curseurs au même niveau. Et pourtant, il faut qu'à la fin, les deux aient reçu un message qui va leur apporter quelque chose, que l'information soit comprise et surtout les ait intéressés. Donc je pense qu'on peut vite avoir tendance, moi je le faisais aussi au début, c'était un travers, parce que je voulais en plus avoir cette rigueur scientifique où on veut tout dire, on veut mettre tous les détails, et ça c'est le piège ultime, c'est apporter finalement trop de détails. Ça va noyer le lecteur parce qu'on ne comprend pas pourquoi on lui parle de tout ça, et on n'a pas la place souvent de rentrer dans les détails. Donc finalement, on rajoute par-ci, par-là des choses qui brouillent le message. Donc il faut être capable de trancher et de sélectionner. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident, parce qu'on a l'impression de trahir finalement le message initial qui était dans la publication. Donc il faut arriver à s'affranchir de ça. C'est presque un travail de traduction finalement que de communiquer la science. Je crois qu'il y a une part, il y a une part de ça. Il y a une part de ça, si ce n'est qu'il y a une réinterprétation. Communiquer la science, en tout cas sous l'angle journalistique, c'est finalement tu racontes la science comme tu racontes la politique ou l'économie. Il faut raconter. Voilà, être journaliste, c'est raconter une histoire. Et jamais oublier qu'il faut la raconter, cette histoire. Donc même quand le sujet s'y prête pas forcément, même quand le sujet on l'aime pas forcément, parce que ça peut arriver aussi. Mais et moi je pense qu'un des meilleurs conseils qu'on m'ait donné quand je débutais, qui m'a paru sur le moment un peu peut-être un petit peu vain, et qui m'a beaucoup servi finalement par la suite, et que maintenant j'essaye de ressortir aussi aux jeunes journalistes que je côtoie. On m'a dit il faut toujours écrire en pensant à quelqu'un. Donc oui, certes, et je pense que c'est très très très important, puisqu'on a tous tendance à écrire pour nous-mêmes, c'est-à-dire à écrire sur ce qui nous intéresse, et justement en y mettant ce qu'on connaît le mieux, ce qu'on maîtrise le mieux. Et ça aide à sortir de ça, de se dire ok, globalement, est-ce que si demain matin ma mère lit l'article, elle va comprendre quelque chose? Et ça, c'est une question qu'on se pose sans doute pas assez souvent, et pourtant il faut. Voilà. Je dis ça à chaque fois à toutes les personnes qui passent au panel de découverte pour faire des exposés. Mais il faut. Avec les deux questions de est-ce que ma mère comprend et est-ce que ça l'intéresse. Exactement. Donc j'ai eu cette chance, peut-être que ma mère en fait trouve ça très sympa de lire tous mes articles. Donc Et bon, au début, je pensais qu'elle les lisait, et puis c'était très sympa. Voilà, sa fille était journaliste, elle signait, donc bon, on imagine bien qu'une maman peut être sensible à ça. Et en fait, ce qui était génial, c'est que sans que je lui demande rien, ma mère, le lendemain, débriefait par mail et m'envoyait un petit message en me disant « Ah, j'ai lu ton dernier papier, bon, alors c'est super intéressant, cette histoire de blablabla, de machin. » Et donc là, il y avait des moments très sympas parce que je me disais « Ouais, génial. » J'ai fait 7000 signes sur un sujet hyper pointu, ma mère a compris. Et puis il y a d'autres moments où on se rend compte qu'on est complètement passé à côté. Mais ça aide en tout cas et c'est très formateur. Ça, déjà, ça apprend l'humilité et puis ça permet d'avoir une pratique assez réflexive sur la manière dont on écrit. Tu remercieras ta mère hein, parce que c'est vraiment très très précieux comme genre de retour. Oui, oui, ça, non, c'est magnifique, c'est magnifique. Et pour ma thèse, moi j'ai eu des corrections d'orthographe, c'est tout. pas eu d'autre chose. Donc, non. Je sais pas si ma mère a lu ma thèse en fait, mais peut-être, ouais, j'ai un doute maintenant. Mais en tout cas, mes articles, ouais, elle les lit et. Il y a pire que les corrections orthographe, il y a les corrections uniques de légende de figure qui laissent dire qu'il a lu que les figures, en fait. Bon, ma question suivante allait être tout naturellement, quand t'as dit qu'il faut écrire pour quelqu'un, j'allais te demander tu écris pour qui, mais je crois que t'as bien répondu à la question. Alors, j'écris pas que pour ma maman, hein, mais... Non, je pense que ce qui est très important, c'est de penser à son lecteur de manière générale, et de la même manière que... je pense qu'il faut vraiment... aimer les étudiants, enfin de manière générale, c'est-à-dire qu'il faut avoir pour être un bon prof et ils le sentent et ils vous le rendent. Enfin en tout cas, on a tous vécu ça d'un côté hein, ou de l'autre, c'est-à-dire que quand on était étudiant, ben les profs, voilà, quand on avait un peu rien à faire, on le sentait et puis c'était pas très cool. Et ben les lecteurs, je pense que c'est la même chose quoi. Il faut avoir le souci du fait qu'ils sont là et qu'ils vont lire, essayer de leur servir quelque chose qui va leur faire plaisir. Et je pense que quand on met cette intention dans son écriture, on n'écrit pas des Pulitzer tous les jours, malheureusement. Mais en tout cas, l'intention, je pense que c'est quelque chose qui est super important. L'intention de faire plaisir. Ouais, tout à fait. Ça me fait plaisir d'entendre ça. j'ai envie de te poser une question très bateau comme ça, mais je sens que tu vas nous inspirer avec ta réponse. Je me lance. Pourquoi c'est important de communiquer sur la science? Pourquoi c'est important qu'il y ait des journalistes scientifiques? Pourquoi c'est important de partager ces informations-là, pas comme les autres? Bon, alors ça fait trois questions. Ça en fait pas une. Allez. Pourquoi c'est important de communiquer sur la science? Je pense que c'est un... Alors, en tant que scientifique, moi, j'ai toujours pensé qu'on était vraiment des... Majoritairement, hein, attention, majoritairement, c'est-à-dire, voilà, pas les gens de podcast science, du café des sciences, tout ça, mais tous les autres. Je pense qu'on est des grosses quiches en communication. Donc, on est enfermé dans des labos où les gens pensent, savent même pas ce que c'est un chercheur, c'est catastrophique. C'est catastrophique, c'est-à-dire que moi, j'ai eu des réflexions d'amis, hein, des vrais, des amis que j'aime et qui m'aiment, et qui parfois me renvoyaient une image de la recherche et qui me consternait, et on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. C'est-à-dire que si les gens finalement ne savent pas comment se passe la recherche, bah, c'est qu'on ne leur apporte pas suffisamment d'informations à ce sujet. Quelque chose qui est très typique et qui est au-delà du journalisme, hein, mais globalement, on a pléthore aujourd'hui de séries télévisées. On a des trucs sur des avocats, sur des médecins en long, en large, en travers, sur des légistes, sur des policiers, sur je ne sais qui encore, sur des journalistes aussi. Il y a extrêmement, extrêmement, extrêmement, extrêmement peu de séries qui s'intéressent à la vie de chercheur. Voilà. Et donc, le chercheur, mais réellement, le concept de la tour d'ivoire, je pense, n'est pas galvaudé. Hein. Il y a une grosse partie de la population qui ne sait pas ce qu'est un chercheur, si ce n'est quelqu'un qui est un peu payé à s'amuser dans son coin, grosso modo à se tripoter le neurone, et puis tout ça au frais du contribuable. Donc, je pense que voilà, l'importance de communiquer sur la science, c'est déjà d'expliquer et de montrer et de donner du feedback simplement aux gens effectivement qui, par leurs impôts ou leurs dons à des fondations, des choses comme ça, bah, me permettaient de travailler, permettent en tout cas aux chercheurs de travailler. Et surtout, il faut familiariser les gens avec cette profession. Je crois que c'est important aussi pour le bien-être des chercheurs qui finalement se sentent pas toujours très aimés ou très reconnus ou voilà. Donc en parlant plus de ce qu'on produit, ben on a un petit peu de chance se rapprocher, tout simplement, du reste de la population, qui se sent mis à l'écart. Je crois qu'il y a un petit peu un clivage qui est, à mon sens, artificiel, mais qui est entretenu par tout un tas de choses qui perdurent depuis bien longtemps. Donc, est-ce que ça ne pourrait pas, au contraire, être institutionnalisé, ce genre de perspective, d'aller vers autrui, justement, quand on est... par exemple, les écoles doctorales pourraient très très bien s'occuper de la formation du scientifique à essayer de toucher son public. Complètement. Je pense qu'il y a des programmes doctoraux qu'ils font. Alors, je ne me souviens plus si c'est en France ou en Suisse. Là, j'ai un petit moment de confusion. Mais en tout cas, c'est important. Ça, je crois que éduquer, entre guillemets, les jeunes chercheurs dès le départ au fait que être chercheur, c'est compliqué parce qu'on demande beaucoup de choses déjà à un chercheur. Hein. Et ce qu'on entend souvent, c'est ouais, enfin, c'est bon, j'ai déjà tellement de trucs à faire que j'ai autre chose à faire justement que de la communication. Et ça, je pense, un mauvais point de départ. Donc il faut expliquer dès le début aux chercheurs ce que ça va apporter de savoir communiquer sur son job, sur sa recherche. Ça peut avoir des implications après. On peut lui expliquer qu'effectivement, quelqu'un qui sait facilement communiquer auprès du grand public va être aussi plus percutant auprès des instances qui vont décider un petit peu de lui donner des sous ou pas, parce que finalement, quand on regarde comment ça se passe, on parle souvent quand même à des gens qui sont pas hyper spécialistes du domaine dans lequel on travaille. Donc avoir cette capacité un petit peu à s'adapter à son public, c'est très important. Et ça doit se faire dès le début, dès la thèse. Et il devrait y avoir effectivement plus d'incitation de la part des écoles doctorales auprès des jeunes chercheurs. Mais pas que. Je pense qu'il faut aussi sensibiliser les chercheurs. Moi, je suis assez frappée en France. Alors voilà, j'ai travaillé pour des médias suisses et français, vraiment de manière concomitante. Et c'était terrible de voir le fossé entre les capacités de communication des chercheurs suisses et celles des chercheurs français. C'est-à-dire que le chercheur français est presque surpris qu'on l'appelle pour parler de sa dernière publication. Il est là, un peu gêné qu'on s'intéresse à lui. Et puis, il n'est pas à l'aise. Déjà, il n'ose pas trop vous répondre. Il vous dit 14 fois qu'il n'est peut-être pas vraiment légitime. Et il ne sait pas se vendre. Voilà. Ce qu'on ne sait pas faire en France, c'est vendre sa recherche. Alors, je mets des guillemets, des gros guillemets, parce que... Il ne faut pas survendre sa recherche, ce que d'autres savent très bien faire, malheureusement. Mais je pense que les chercheurs suisses sont soutenus par des services de communication dans leurs institutions de recherche qui essayent de les mettre en avant du mieux qu'elles le peuvent. Des fois, c'est très réussi, des fois un petit peu moins. Mais en tout cas, il y a une intention. Et les chercheurs suisses sont disponibles et savent que quand il y a une publication qui va sortir dans une grosse revue, c'est un PNAS, un Science, un Nature, c'est normal qu'il y ait des chercheurs, des journalistes qui les appellent pour avoir une interview. Donc ça, je pense qu'ils ont un petit temps d'avance, clairement. Et tu penses que c'est à quoi comme origine justement cette différence de tradition entre France et Suisse ? Est-ce que il y a une raison pour laquelle il y a eu ce mouvement de vulgarisation intégrée aux instituts pour les Suisses par rapport à France, par rapport à la France, pardon. Alors, à différents points de vue, pour être très très caricatural, et je sais que c'est pas très bien, mais voilà, pour moi, la Suisse, à différents niveaux, apparaît un peu comme les États-Unis de l'Europe. Et en termes de recherche, c'est un petit peu la même chose. Moi, quand je suis partie pour mon postdoc, j'ai un petit peu honte de l'avouer maintenant, mais c'est vrai que j'ai découvert la recherche helvétique à ce moment-là. J'en avais jamais entendu parler. Je m'intéressais, enfin, je pensais même, voilà, je sais pas, je m'étais jamais demandé ce qui se passait en Suisse en termes de recherche. Et c'était une grande claque parce que j'ai découvert un nombre d'institutions de recherche énormes avec effectivement des moyens financiers, mais aussi vraiment des volontés, des envies, des projets, un dynamisme finalement que j'avais pas. Perçu en France. Et en termes de communication, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une... Ils n'ont pas peur de la compétition et de dire qu'ils sont en compétition. Donc quelque chose qui est assez frappant, c'est Genève, Lausanne, il y a 60 km entre les deux villes. C'est des petites villes vues depuis la France. Et en réalité, c'est deux pôles scientifiques majeurs qui attirent des chercheurs renommés du monde entier. Entre autres grâce à des salaires effectivement plus élevés, mais pas que. Je pense que les gens ne se déplacent pas que à cause du salaire, ils viennent réellement parce qu'ils savent qu'ils vont avoir des possibilités et qu'ils n'auront peut-être pas ailleurs, notamment en France. Et le fait d'être en concurrence, bah ça oblige un petit peu à se bouger pour valoriser ce qui est fait dans l'institution de recherche. Ils savent valoriser, voilà, ils n'ont pas honte de mettre en avant ce qu'ils font. Et ça, en France, mon Dieu, moi j'ai vu dans des instituts des chercheurs français, en gros, celui qui communiquait et qui aimait ça et qui se donnait un peu, il était mal vu par ses collègues. En gros, c'était soit un feignant parce que justement il n'avait rien d'autre à faire, soit quelqu'un qui était perçu comme un petit peu vantard, orgueilleux, je ne sais quoi. C'était perçu négativement. Donc bon, ça, encore une fois, je remets dans le contexte, hein, c'était il y a une dizaine d'années, j'espère et je pense sincèrement que ça évolue. Mais clairement, l'ambiance n'est pas du tout la même à ce niveau-là en Suisse. Et là-dessus, pour te retourner des questions, tu l'as bien mérité, Topo. Toi, par exemple, qui as une activité où tu communiques à côté, est-ce qu'on te donne du temps pour le faire ? Ou est-ce que tu le fais sur ton temps perso ? Non, je le fais sur mon temps perso. Ça commence à être remarqué par mes collègues, mais surtout en enseignement, dans la partie enseignement. Comme je suis enseignant-chercheur, je partage mon temps justement entre la recherche et l'enseignement. À la recherche, on s'en fout de ce que je fais. Il y a peut-être 2-3 personnes qui peuvent s'intéresser au fait que j'ai établi un compte Twitter pour avoir... En gros, pour qu'eux-mêmes fassent leur compte Twitter, mais c'est vraiment très, très périphérique. Au contraire, c'est assez mal vu, je pense. Mais ça, c'est une question... Je n'ai pas cherché à vérifier si, justement, c'était bien vu ou mal vu. Par contre, en enseignement, ça commence véritablement à intéresser les gens. Et ça intéresse, mais je veux dire, en effet, t'as pas un temps dédié pour ça, alors que peut-être que, justement, dans ces institutions... Si je dis que ça commence à intéresser les gens, c'est que là, par exemple, je suis en train de monter un module dans lequel la transmission de savoir, notamment par le numérique, en utilisant la vidéo, le blog, etc., ça va faire partie d'une unité d'enseignement, quoi. D'accord. Et donc, ça va valoriser. Ouais, je crois qu'aujourd'hui, quand même, il y a une volonté, en tout cas, affichée de vouloir valoriser la communication faite par les chercheurs, même en France. Et je crois que ça va entrer en ligne de compte dans l'évaluation. En tout cas, dans certaines universités, certaines universités y ont pensé. Donc, faire entrer dans l'évaluation des maîtres de conf et des professeurs leur participation à des programmes de communication. Donc, que ce soit effectivement parler dans des médias ou participer à des choses organisées un petit peu sciences, société ou des choses comme ça. J'ai passé les concours cette année d'enseignants et il y a des cases maintenant diffusion. Alors ils appellent pas ça vulgarisation, je pense que c'est parce qu'ils aiment pas le terme, ça leur fait ils trouvent que c'est pas un terme assez noble, mais ils appellent ça de la diffusion scientifique et ils sont, je sais pas si c'est encouragé à en faire, mais en tout cas il y a une case prévue pour en parler. Mais c'est vrai que j'ai remarqué aussi que moi là je suis actuellement en postdoc aux États-Unis et la spécificité c'est que par exemple là je suis à mes heures de travail et ça dérange pas du tout mes chefs que je fasse ça, alors qu'en France ça serait je pense moins bien vu. Enfin quand j'en parlais avec mes collègues français c'était moins bien vu. Moi je suis assez dépitée, hein, je crois que le mot est juste parce qu'effectivement je disais voilà je suis partie de la recherche mais je suis pas du tout je suis en très bon terme mais j'ai envie de valoriser aussi le travail qui est fait par les anciens collègues de manière générale. Mais c'est triste à dire, en tant que média on est abreuvé de communiqués de presse des universités américaine, anglo-saxonne, suisse parfois, puisque eux ont compris. Donc voilà, dans les bases de données de communiqués de presse, on voit des publications de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne ou de Zurich, ou de l'Université de Genève aussi parfois. Mais globalement, c'est la croix et la bannière pour trouver de la com sur les publications françaises. Donc c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sortent des grosses publications, vraiment des choses importantes, des choses intéressantes. Enfin voilà, il y a tellement de choses qui se font en France. Et on n'y a pas accès, parce qu'il ne faut pas se leurrer. C'est-à-dire que le journaliste, lui, par contre, n'a pas le temps d'aller s'éplucher je ne sais quelle base obscure pour se dire « Ah oui, tiens, ce serait peut-être bien. » Donc il attend quand même que les institutions attirent son attention et lui disent « Ah bah attendez, il y a ça qui s'est fait chez nous, voilà, c'est bien. » Et ça, malheureusement, ça se fait très peu. Donc en tant que journaliste, aujourd'hui, en France, j'ai un mal fou à trouver des publis françaises sur lesquels faire un article. Alors que quand je travaille pour la Suisse, mais je pense que typiquement, quand on travaillait autant, si on avait voulu, on aurait pu faire une semaine rien qu'avec des publications suisses. Donc là, il y a un vrai problème, clairement. Stéphanie, j'aurais encore un million de questions à te poser. Je crois que je pourrais t'écouter encore pendant... mais là, on me rappelle à l'ordre, on me tape sur les doigts. Il y a encore plein de choses à raconter dans... Et tu crois qu'on a laissé assez de temps à Robin pour finir sa rubrique ? Non, certainement pas. Robin va improviser comme d'habitude. Stéphanie, ce que je te propose, c'est que tu reviennes une fois. Et puis on te posera encore les... Mais volontiers. Tu reviens au moins une fois. Non, voire même qu'elle nous fasse une rubrique mensuelle, quoi. On va voir si tout de suite, hein, claque. Mais je reviens volontiers vous parler. Maintenant que je sais où habite Nico, que c'est hyper pratique et qu'il y a du champagne au frais. Enfin, il n'y aura peut-être pas à chaque fois. Là, tu l'as refusé, donc... Parce que comme dans les émissions de télé, il n'y a pas d'alcool, on est au jus de pomme. Enfin, moi je suis au jus de pomme. Hein. Enfin, les standards suisses, c'est bien. Bravo, je suis fier de toi, mon petit. Stéphanie, en attendant, où est-ce qu'on te retrouve sur l'Internet mondial ? Sur l'Internet mondial, hein. Sur l'Internet mondial, par opposition à l'autre. Enfin, voilà, c'est ça, le fameux Internet mondial. Bon, on me trouve sur Twitter, voilà. On te trouve où sur Twitter ? On me trouve sur Twitter, mon pseudo qui n'est pas un pseudo, d'ailleurs, est S_Gardier, voilà, puisque j'assume mes tweets autant que mes articles. Et on peut me retrouver, donc, on peut retrouver mes petits éditos du matin sur le site que je vous conseille, pourquoidocteur.fr. Voilà. Et en plus, on a une nouvelle maquette dès demain, donc si vous voulez découvrir notre nouveau site, là en ce moment, le back-office est en train de migrer, donc je croise les doigts parce que je suis très inquiète, j'imagine que tout est en train de péter. Donc, et tout est en train de péter, voilà. Et qu'en fait, bien. Je n'ai plus de site. Mais voilà, donc demain, la nouvelle maquette vous attendra. Et on me retrouve, ben voilà, c'est bien. Et donc on me retrouve en Suisse aussi. Oui, alors on n'en a pas parlé, mais je travaille effectivement pour planetesanté.ch, qui est un site santé, plutôt orienté santé, sciences biologiques, purement helvétique. La santé helvétique. Hein. La santé helvétique. Merveilleux. Bah écoute, Stéphanie, un immense merci. Mais non, merci à vous. J'étais ravie de participer et de faire mon baptême de podcast science. Ouais, ton premier podcast science, mais certainement. Ouais, tu reviens quand tu veux, ouais. Cool. Merci beaucoup. Et on doit enchaîner avec la rubrique Fail de Robin, c'est ça ? Ah, bah c'est ça, ça qui vient d'être fini. Fini, j'irai peut-être pas jusque-là, mais. Cas, mais c'est début, bien avancé. Tu peux commencer. Dans les gens qui subissent un échec. Il y a les gens qui se trompent, il y a les gens pas assez attentifs, il y a les gens qui sont un peu cinglés et qui ont une vision complètement délirante. Il y a les gens qui pensent pas aux conséquences de leurs actes, comme l'inventeur fou présenté par Alan la dernière fois. Et puis il y a aussi les gens, c'est pas leur faute, ils arrivent pas au bon moment. Ils ont une bonne idée, c'est une bonne idée, mais c'est pas la bonne idée. On pouvait vraiment trouver mieux. Et donc du coup, c'est quand même un échec, alors que pourtant, c'était pas une mauvaise idée, forcément. Alors il y a des exemples technologiques, je les liste un petit peu, parce que ça permettra peut-être mieux de comprendre ce que je veux présenter ce soir. Bon, il y a évidemment l'exemple, on va pas trop revenir dessus parce que c'est un peu douloureux pour moi, mais l'exemple du Minitel, hein, qui est quand même quelque chose qui était précurseur en son temps, mais qui a été assez rapidement dépassé par l'Internet mondial. On peut pas complètement parler d'échec d'ailleurs, parce que pendant quand même une ou deux décennies, c'était bien. Et puis tu l'utilises toujours, donc. Et puis je l'utilise toujours, j'ai réussi à me connecter avec moi-même, pas plus tard qu'hier. Dans le même style, et donc à des degrés divers, avec des trucs qui ont duré plus ou moins longtemps, il y a le télégraphe Chappe, qui a été utilisé pendant 50 ans avant d'avoir le télégraphe, l'électricité, donc c'était fini, ça ne servait plus à rien. Il y a eu l'aérotrain d'Orléans, je ne sais pas si tout le monde connaît cette histoire-là, qui est quelque chose d'assez beau, c'était un monorail. Il y a eu un tronçon de 18 km qui a été testé de 1969 à 1974, c'était un train très rapide. Et puis, ben, on a finalement choisi de développer le TGV, pas l'aérotrain, donc il y a toujours 18 km qui ne servent à rien. Il y a eu le métro pneumatique de Beach, à New York, une seule station de métro, et puis faute d'autorisation et de financement, ça a été exploité pendant 3 ans, puis ça a été fermé. Donc c'est en technologie, ça arrive assez souvent que voilà, bah, quelqu'un arrive, a une bonne idée, puis finalement ça marche pas, c'est quelqu'un d'autre qui gagne. Je peux t'interrompre ? Citer les suppositoires à l'uranium. En fait, en science. Je suis assez ouais, vas-y. Tu, avec une seule station de métro à New York, tu vas où ? Non, mais le mec avait... C'est un truc qui faisait des tours ? Non, c'est un truc assez drôle. Il y a l'histoire complète dans le bouquin que j'avais cité la première fois que j'ai fait la rubrique Fail, là, qui est la folie Banvard. Il en parle. C'est quelque chose d'assez chouette. Je crois que c'était un. Moi, j'ai oublié, j'ai pas noté les détails, mais un mec de la presse, qui avait beaucoup de pognon et qui a décidé en grand secret d'ouvrir, de commencer à faire des travaux de métro. Et donc, il avait tout basé sur la technologie des pneumatiques. Donc, comme pour envoyer des pneumatiques, mais pour envoyer un métro. Donc, c'est un peu plus gros, c'est un peu plus lourd, un peu plus compliqué. Et donc, il avait fait en grand secret, en 2 mois, il a construit une station de métro pour pouvoir faire la démonstration. Et donc, il a invité tout le gratin new-yorkais à une soirée. Et boum, il leur a montré qu'il avait fait une station de métro. Donc, tout le monde était très impressionné et tout ça. Et après, il n'a jamais réussi à avoir les autorisations et le financement suffisants. Et donc, il a fermé. Et après, il y a eu le métro standard qui a été construit. OK. Et donc, pendant 3 ans, il y a eu une station de métro pneumatique à New York. C'est fou, cette histoire. C'est incroyable, génial. Hein. J'adore cette histoire. Donc voilà. Bon, donc en technologie, c'est un truc assez classique, ça. Le coup du « c'est une bonne idée, mais ce n'est pas forcément la meilleure des idées, ça disparaît, tout ça ». Et des fois, ça disparaît un peu vite avant d'avoir pu vraiment être exploité. Mais en sciences dures, c'est quelque chose qui existe aussi. Et notamment, dans mon dossier sur l'infiniment petit, j'avais parlé par exemple de l'analyse non standard qui a essayé de prendre la place des théories mathématiques classiques pour faire de l'intégration, des machins comme ça. Puis ça n'a jamais vraiment pris parce que ça ne montre pas que c'est mieux que la théorie qu'on utilise habituellement. Et puis avant l'intégration, pendant quelques dizaines d'années, il y a eu la théorie des indivisibles. C'est pareil, j'en ai parlé dans le dossier. C'était une super belle théorie, ça marchait, mais ça marchait pas aussi bien que ce qui a été trouvé après, donc ça a disparu très vite. Enfin bon, l'histoire est peut-être pas finie, on sait pas qui va gagner, peut-être qu'il y a une autre théorie qui va revenir, peut-être que finalement c'est pas forcément la théorie actuelle qui va être la plus utilisée, tout ça, mais voilà. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler d'une autre théorie mathématique, beaucoup plus récente, et qui en gros a connu le même sort que les indivisibles, c'est-à-dire qu'il y a eu un gros essor autour de ce truc-là, on en a énormément parlé dans les années de 70, et puis aujourd'hui, à ma connaissance, ça a globalement disparu. C'est une théorie, le nom est généralement connu par contre, c'est une théorie qui s'appelle la théorie des catastrophes. C'est l'œuvre essentiellement d'un mathématicien qui s'appelait René Thom, qui est mort en 2002, et... Alors René Thom était quelqu'un apparemment d'assez charismatique, d'assez ouvert, intéressé par plein de sujets autres que les mathématiques. En plus, quand il a commencé à sortir cette théorie, il était quand même récemment, il avait été récompensé par la médaille Fields, donc c'est pas rien pour d'autres sujets. Et il lance une théorie, il lance un cadre de réflexion qu'il appelle la théorie des catastrophes. Alors en gros, je vais pas rentrer dans les détails parce que déjà c'est pas évident et c'est pas si évident que ça de trouver de la documentation, je trouve. Enfin, faut lire beaucoup de choses et j'ai pas encore assez creusé, de toute façon sinon ça ferait un dossier entier. Mais en gros, il essaye avec des modèles continus, avec des courbes, des surfaces qui se déforment, de décrire des choses discontinues justement. Et il essaye de décrire les choses plus que de calculer. En fait, son constat c'est de dire la plupart des phénomènes dans le monde qui nous entoure, on a bien l'idée que il y a des causes et des conséquences, que on peut mettre plein de choses en équation et que en fait tous les mouvements, toutes les choses qui se passent dans le monde, on pourrait les mettre en équation, mais ça va donner des systèmes avec plein d'équations et toutes les équations, des équations qui en plus vont être compliquées. Et donc en fait, ça sert à rien d'aborder les choses comme ça parce que on pourra éventuellement faire ce travail de faire des équations qui décrivent bien ce qui se passe, mais on n'arrivera jamais à les résoudre, donc ça sert à rien. On n'arrivera jamais à comprendre comme ça. Donc en gros, voilà, il dit, je vais essayer de fabriquer des outils conceptuels mathématiques qui vont permettre de décrire ces choses-là, mais d'un autre point de vue. On va juste regarder à quoi ça ressemble vu de l'extérieur. Donc c'est à la base vraiment une intuition. Alors c'est appuyé à des mathématiques très solides, mais à la base c'est vraiment une intuition. On contourne l'obstacle, et donc plutôt que de décrire toutes les équations, on va juste essayer de trouver un nombre minimum de paramètres qu'on va pouvoir faire varier pour voir comment un système peut bouger vu de l'extérieur. Donc en gros, il parvient à dire j'arrive à me limiter à au pire 4 paramètres. Donc ça veut dire qu'en fait, en faisant varier ces paramètres, on va pouvoir regarder comment un système évolue, comment ça bouge. Au pire 4 paramètres, ça veut dire qu'on est soit en dimension 1, soit en dimension 2, soit en dimension 3, soit en dimension 4, ce qui reste raisonnable. Dimension 4, on commence à avoir du mal à voir ce qui se passe, de représenter, à le dessiner, mais dimension 1, 2, 3, on peut le faire. Et surtout, la chose à laquelle on va s'intéresser, c'est ce qu'on appelle les catastrophes, c'est les moments où un système passe d'un équilibre à un autre. Alors je donne un exemple, qui est l'exemple qui est toujours le plus donné pour que ça devienne un peu concret, j'espère. Si vous imaginez une courbe qui représenterait par exemple le flanc d'une montagne. Si à un endroit il y a un espace pour faire un lac, quand on bouge les paramètres, cette courbe va petit à petit bouger. Et par exemple, on peut avoir un moment où la bosse qui empêche le lac de tomber va disparaître. Et donc tout d'un coup, il n'y aura plus de place pour un lac. Et donc il y a un moment où on est passé de « il y a un lac » à « pouf, il n'y a plus de lac, l'eau elle tombe en bas de la vallée ». Et donc quand on fait bouger les paramètres, la courbe va bouger comme ça. Et éventuellement, il peut y avoir deux endroits où il y a des lacs. Il y en a un qui est plus haut, un qui est plus bas. Il y a un des deux lacs qui disparaît. L'eau va être en haut, en bas, dans un des deux, dans les deux. Et donc, on peut regarder comme ça ce qui se passe au moment où ça change, où l'équilibre change. Il y a un autre exemple aussi qui est donné de temps en temps. C'est ce qui se passe, par exemple, au moment où une vague va se casser. Et là, on passe, pareil, de quelque chose de relativement arrondi, tout ça, à quelque chose, tout d'un coup, de pointu, qui change complètement d'aspect. Et donc, il essaye de fournir comme ça des descriptions de ce type de phénomène. Et alors, il y a vraiment de l'ambition au début. Hein. Il dit, voilà, en gros, ça peut s'appliquer à de la physique, à de la chimie, à de la biologie, à de l'économie, à de la sociologie, à de la psychologie. Il y a plein de gens qui vont trouver que c'est passionnant. Alors, en plus, il y a un côté vendeur, quoi. C'est-à-dire que c'est assez chouette, le côté des catastrophes. Les gens ont l'impression de comprendre ce que ça veut dire. Les gens ont l'impression d'avoir une intuition de ce qui se passe. Il fait des jolis petits dessins. Donc, on a l'impression, voilà, avec cette histoire de lac qui est d'un côté, qui est de l'autre, qui disparaît, on a l'impression d'avoir une compréhension intuitive du truc. Et du coup, d'ailleurs, il y a des gens qui comprennent pas grand-chose en fait à ce qu'ils racontent, mais qui vont se servir de ça dans des domaines complètement autres que les mathématiques. Alors, il a une citation que je connaissais pas avant de préparer ça et que je trouve assez géniale, et qui fait bien ressortir le genre de démarche qu'il a. Il dit « Tout ce qui est rigoureux est insignifiant ». Ce que je trouve assez classe. En gros, si on est trop tenu par la rigueur, on va pas faire de sens, on va pas faire un truc intéressant. Donc voilà. Alors, c'est une théorie donc, qui a commencé... Alors, j'ai... Ah, ça y est, j'ai perdu mes notes. C'était bien jusque-là. Hein. C'est une théorie qu'il a commencé à publier. Voilà, le gros livre, c'est « Stabilité structurelle et morphogenèse, 1972 ». Et donc il publie ça c'est saisi par plein de gens, notamment même par Dali. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais Dali a rencontré René Thom et il a décrit la théorie des catastrophes comme la théorie la plus belle et esthétique du monde. Et il a donc dessiné, puisque donc il a des dessins qui correspondent à toutes ces catastrophes, Dali les a représentés. Donc les catastrophes, hein, je vous dis les noms pour vous montrer. Donc s'il y a un seul paramètre, ça va être un pli. S'il y a deux paramètres, ça va être une fronce. Et après à trois, on a la queue d'aronde, la vague, le poil. Et puis après, on a le papillon, le champignon. Voilà, c'est les sept catastrophes possibles. Donc on simplifie complètement, on essaye de trouver vraiment un modèle relativement simple. Encore une fois, si on veut le comprendre vraiment, par contre, c'est pas simple du tout. Et en fait, ce qui est assez amusant, c'est qu'il y a eu vraiment un engouement terrible. On en a parlé dans la presse généraliste, on en a parlé un peu partout. Un peu comme la théorie du chaos, qui s'intéresse en partie à la même chose. Et comme la théorie du chaos, d'ailleurs... On dit des choses parfois un peu à la légère et un peu trop simplifiées pour être vraiment proche de ce que ça raconte pour de vrai. Et la différence, c'est que bah, finalement, les mathématiciens s'en sont détournés. Les scientifiques, vraiment, s'en sont un peu détournés. Dans ce que j'ai vu, j'ai pas vu beaucoup j'ai pas vu de gens actuels qui parlent de la théorie des catastrophes, sauf des gens qui sont vraiment en dehors des sciences dites dures. C'est-à-dire que y a un psychanalyste qui est encore à fond, il y a... je crois qu'il y a des linguistes ou je ne sais quoi, qui s'intéressent encore à ça. C'est-à-dire que ça a énormément inspiré les gens, ça leur a donné un vocabulaire, une façon de penser et tout. Mais finalement, pour le but premier qui était de donner des outils mathématiques pour faire de la science plutôt dure, en fait, globalement, à ma connaissance, ça a un peu fait flop. Et la théorie qui fonctionne vraiment bien, c'est la théorie du chaos qui, elle, pour le coup, a vraiment explosé et s'est introduite absolument partout. Et ce qu'on reproche à la théorie des catastrophes, c'est une des reproches que j'ai lues quelque part, c'est que par exemple, c'était trop quelque chose conçu par un matheux pour aller vers des expériences après et qu'il fallait après trouver comment ça pouvait s'appliquer. Alors que la théorie du chaos, c'est plutôt de dire on observe plein de phénomènes, et on fabrique une théorie qui va s'appliquer à tous ces théorèmes, tous ces phénomènes, mais en partant des phénomènes. Et puis, ce qu'on a reproché aussi beaucoup à la théorie des catastrophes, c'est justement cet aspect trop repris par tout le monde, et donc qui veut plus rien dire, qui est un peu trop, qui part un peu trop n'importe où. Donc voilà, il reste une théorie qui, visiblement, vue de l'extérieur, j'ai pas encore assez creusé, mais a l'air super belle, super sympa, mais qui finalement a été abandonnée globalement depuis environ 20-30 ans par les principaux intéressés. Et c'est assez rigolo parce que je suis tombé sur deux articles dans la recherche d'un même auteur, Ivar Ekland, qui en 77 fait un article entier énorme sur la théorie du chaos en disant des catastrophes, pardon, en disant à quel point c'est formidable. Et puis on le retrouve en 97, quelque chose comme ça. Et il commence un tout petit article sur où en est-on de la théorie des catastrophes en disant « Dieu, que cet article est daté !» Donc voilà, une forme de ratage aussi, d'une certaine manière, que je trouve assez intéressante. Ce qui est intéressant, c'est que tu dis donc que la théorie des catastrophes, ça a été abandonné d'une certaine manière parce que les gens se la récupéraient pour dire n'importe quoi, mais alors du coup, la théorie quantique, ça devrait être exactement le même sort, non? Oui, non, mais c'est pas que pour ça. Hein. Apparemment, on reproche aussi, finalement. Enfin, on reproche. Oui, il y a cet aspect, on part des maths et puis on va vers le monde après, qui est un reproche apparemment qui est fait. Je sais pas aussi dans quelle mesure il y a vraiment ce côté continu. Ça, j'ai rien lu dessus, mais ça m'a l'air intuitivement assez évident que c'est pas une bonne idée de partir du continu en ce moment, quoi. Je veux dire, depuis qu'il y a l'informatique... On n'essaye pas de décrire le monde de façon continue, c'est pas toutes les simulations numériques, tous les ordinateurs vont fonctionner avec des points et pas des trucs continus. Et je me demande dans quelle mesure c'est pas non plus quelque chose qui peut avoir joué en faveur de la théorie du chaos plutôt qu'en faveur de la théorie des catastrophes qui vraiment part des courbes. Je suis tombé aussi sur quelque chose qui est assez rigolo sur Tom, René Tom, donc l'inventeur de cette théorie-là, où apparemment lui il était contre la façon d'introduire les nombres habituels. Où on commence généralement par les nombres entiers, et puis après on explique les fractions, les rationnels, et puis après on explique qu'en fait on peut en mettre plus et qu'on arrive au continu, la droite, tous les nombres sur une droite, c'est le continu, tout ça. Et en fait lui disait, mais non, le truc intuitif c'est le continu. René Tom apparemment était contre cette façon de construire les nombres, de parler des nombres, en partant des nombres entiers comme une évidence, et en allant vers les nombres réels, qui sont donc, je le rappelle pour ceux qui n'ont pas écouté tous les dossiers de Nico et de moi, tous les points de vue. Droite, en gros, donc ce qu'il y a de continu. Et il disait, lui, qu'il fallait faire le contraire, que ce qui était premier, ce qui était intuitif, c'était le continu. C'était une droite, ça, on sait ce que c'est. Et que finalement, c'était plutôt le monde discret, donc le monde des points séparés uns des autres, qui était plus... Enfin, qui était second, qui arrivait après. Donc, je pense que ça, c'est cette façon de voir le monde, avec tout ce qui est ordinateur, n'a pas le vent en poupe, quoi. Alors moi, ce que je retiens de ce fail quand même, c'est que parce qu'on en a beaucoup parlé, tout s'est cassé la gueule. Donc ça veut dire que médiatiser quand même de trop la science, voilà. C'est pour ça qu'après, les chercheurs ont peur de parler aux journalistes. C'est clairement pas... Non, c'est clairement pas pour ça. Hein. Apparemment, c'est juste qu'il y a des gens qui, du coup, ont été un peu énervés par la récupération par des trucs. Mais je veux dire, on peut dire exactement la même chose sur la théorie du chaos où ça a été repris pour tout et n'importe quoi et les gens racontent des choses qui n'ont rien à voir. On peut dire ça aussi sur le terme de Gödel. Enfin, il y a un certain nombre comme ça de résultats ou de théories qui sont qui parlent à l'imaginaire des gens et les gens partent dans des délires et pour autant on n'abandonne pas. Disons que je pense que le truc principal c'est qu'on a trouvé des choses qui marchaient mieux, quoi. Dont la théorie des chaos, ce qui est système dynamique. Enfin, là je lance des gros mots comme ça sans les expliquer, mais pour les gens qui ne connaissent pas, vous pouvez écouter le dossier sur le chaos. Voilà, on a d'autres façons de faire qui fonctionnent mieux. C'est surtout ça qui a fait que ça s'est arrêté. Encore une fois, il y a des gens que ça a énervé. Et apparemment, il y a un mathématicien qui un jour a dit « Bon, on va arrêter de parler de ces catastrophes parce que ça, enfin, faut arrêter d'encourager les cinglés à dire n'importe quoi. » Mais c'est pas que pour ça que ça s'est arrêté. Si ça marchait vraiment bien... L'histoire des sciences et des maths prouve que quand il y a un truc qui marche, quelles que soient les conséquences, on le garde, quoi. Mais encore une fois, peut-être que l'histoire n'est pas finie, c'est pas assez vieux pour être complètement convaincu que ça va être mis aux oubliettes. Hein. Mais ouais, on verra. Ça a l'air. Ok, super. Merveilleux. Du coup, on a Stéphanie qui va nous abandonner. Et oui, je dois vous quitter. Parce que c'est pas comme s'il était 22h. Mais oui, je dois quand même aller voir si mon back-office est finalement voilà. ressuscité. Et donc, ou si comme j'ai plus tout de a planté, tout le monde est en train de crier au niveau de la rédaction, elle est obligée d'aller éteindre le feu, quoi. Et du coup, le temps qu'elle parte, peut-être qu'on peut lancer le blog audio. Donc, on a. Alan, je te laisse introduire le blog audio. Ouais, très bien. Bah, je dis juste au revoir à Stéphanie. C'était encore une fois un plaisir de t'avoir, Stéphanie. J'espère que tu reviendras bientôt. J'espère que tu as laissé une quote à Nico Tup. Tout à fait. Mais oui, j'ai joué le jeu jusqu'au bout et j'ai laissé une citation. Merveilleux. Voilà. Que vous aurez tout à l'heure. Et de Claude Bernard, voilà, en souvenir de mon passage par cette université où tout a commencé quand même. Voilà. Merci beaucoup de votre invitation. Je suis très contente d'être avec vous ce soir et je vous souhaite une bonne fin d'émission. À bientôt. Merci, à la prochaine alors. Bonne nuit. À bientôt. Au revoir, Stéphanie. Au revoir. Bonsoir. La suite, c'est donc le blog audio, un blog audio qui nous a été mijoté par Fred Conroth, notre ami de Belgique, qui a choisi un article de Pierre Kerner, Les autoroutes du ciel pour arthropodes, billet initialement publié sur Saft, qu'on va donc écouter en version audio. Les autoroutes du ciel pour arthropodes de Pierre Kerner du blog Strange Stuff and Funky Things. Robert Kulwich est un envoyé spécial pour la radio NPR que j'ai découvert dans l'excellentissime podcast Radiolab. Plus je l'écoute et plus je me rends compte qu'il représente pour moi l'idéal de la vulgarisation scientifique. Inutile d'être expert, inutile d'être le plus précis, pas la peine d'être vendeur. Ce qu'il faut avant tout savoir faire, c'est raconter une histoire. Et une histoire, ça peut commencer juste en levant les yeux au ciel lors d'une belle journée ensoleillée. Quand vous regardez en l'air, lors d'un jour ensoleillé, qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, des nuages, et parfois des oiseaux. Bien sûr, du ciel, beaucoup de ciel bleu. Mais ce que vous ne pouvez pas voir, parce que vu du sol, ils sont complètement invisibles, c'est que vous êtes en fait sous d'énormes nuages d'animaux qui sont juste au-dessus de vous à ce moment précis. En commençant par ceux qu'on a tous vus, les papillons, qui volaient dans le jardin et qui atterrissent sur un asclépias. Parfois, des papillons peuvent être pris dans un courant d'air et transportés à 250, 500, 1000 mètres voire plus. Puis, ils battent leurs ailes pour se mettre dans la direction où ils veulent aller. Et alors, vous vous apercevez qu'avec le papillon, on trouve des mouches ordinaires, qui elles aussi se font porter par la brise pour atteindre 1250, 1500 mètres d'altitude et au-dessus d'elles, vous trouverez des pucerons, des guêpes et des moucherons et, de manière très surprenante, des coléoptères qui volent. Avec notamment celle-ci que vous connaissez bien, la coccinelle. Les coccinelles en été peuvent se trouver à 1500, 1800 mètres et avec elles on peut trouver les bombyx disparates. Les mâles bombyx qui volent à 3000 mètres et qui sont à la recherche de femelles et encore plus haut, à la hauteur des montagnes, c'est-à-dire 3600, 4000 et 4250 mètres d'altitude, il y a des araignées qui ont tissé des fins fils de soie qui les portent comme des ballons. Mais encore plus haut, la plus haute altitude enregistrée pour un insecte vivant a été atteinte par un termite à 5800 mètres, c'est-à-dire un termite qui se trouve presque à la hauteur du mont McKinley, la plus haute montagne américaine qui se trouve en Alaska. La vraie surprise, c'est de se rendre compte de combien d'insectes il y a à ces altitudes. Une équipe de scientifiques en Angleterre qui a utilisé des radars a calculé que si vous additionnez le nombre d'insectes qui passent au-dessus de vous dans une colonne d'air d'un kilomètre carré de base durant un mois typique de printemps ou d'été, le nombre d'insectes trouvés est de 3 milliards. Et oui, 3 milliards d'insectes sur différentes autoroutes superposées au-dessus de votre tête chaque mois de juin, chaque mois de juillet et chaque mois d'août. Et pourquoi quittent-ils leur maison? Eh bien, pour les mêmes raisons que vous. Ils sont à la recherche de nouveaux espaces, de nouveaux endroits où manger, de nouveaux partenaires avec qui se reproduire. Tous ne vont pas réussir, nous dit l'entomologiste May Berenbaum. En effet, la plupart ne vont pas avoir un sort joyeux. Ils vont finir dans l'eau, en nourriture aux poissons, mais les insectes, tout comme nous, doivent tenter leur chance pour tenter de vivre et prospérer. Ils prennent le pari qu'ils vont trouver un endroit bien meilleur que celui qu'ils viennent de quitter. Et assez souvent, ils ont de la chance et finissent juste à l'endroit qui leur convient. Pour les plus curieux d'entre vous, voici quelques informations supplémentaires. L'étude britannique utilisant des radars pour mesurer le nombre d'insectes dans une colonne d'air a été réalisée par le docteur Jason Chapman. Ce chercheur pense cependant que le nombre qu'il a calculé, 3 milliards d'insectes pendant un mois, peut varier selon la région visitée et pourrait éventuellement atteindre 6 milliards près de l'équateur. Quant à l'altitude maximale enregistrée pour des insectes, cette information provient de très nombreuses missions aériennes, déjà commencées en 1926 avec l'aide du célèbre aviateur Charles Lindbergh, qui utilisait des lames de verre collantes pour collecter des échantillons à haute altitude. Il a continué ses contributions, notamment en 1933, lors de son vol au-dessus de l'Atlantique. Comment a-t-on réussi à déterminer quel était le champion incontesté du vol en haute altitude ? Eh bien, en 1961, un chercheur nommé J.L. Gressit adaptait des pièges à insectes aux ailes d'un avion Super Constellation qui a volé sur une région de 186 km à 5800 mètres d'altitude. Et le seul insecte capturé fut ce termite. Bien vivant le champion. Fred, merci beaucoup. Je ne sais toujours pas comment on prononce ton nom. Il est en train de me dire dans la chatroom qu'il va essayer de trouver un convertisseur en langue phonétique. Enfin bon, c'était Fred de Belgique qui a passé en audio donc le billet de Pierre Kerner. Dans l'intervalle, Julie nous a annoncé qu'elle doit nous quitter elle aussi. Du coup, en attendant le retour au moins du dictateur, je me propose pour les transitions. On va revenir sur les émissions précédentes avec d'abord un retour sur l'émission de Nima, enfin avec Nima, sur le réchauffement climatique. Un premier retour d'Olivier. Si vous avez écouté l'épisode sur le réchauffement climatique, on y parlait de l'origine anthropique de l'augmentation du CO2 et Nima nous expliquait qu'on pouvait le repérer car on sait que le CO2 qu'il y a dans l'atmosphère a des marqueurs spécifiques qui prouvent que ça vient de nos émissions. Mais on était un peu flou sur le sujet. Alors Pierre nous précise. Alors, à propos de l'origine du CO2 atmosphérique, tout vient de l'étude du rapport Carbone 12 sur les autres isotopes. Je n'ai pas un bon éditeur de texte sous la main, je ne peux pas faire mieux, mais enfin bon, néanmoins, c'est vrai, c'est quand même le rapport du Carbone 12 sur les autres isotopes. L'état le plus stable du Carbone 12, du carbone, c'est le Carbone 12. Les autres isotopes, le Carbone 14 donc notamment, se dégradent en Carbone 12 à une vitesse parfaitement connue. Le rapport carbone 12 sur carbone 14 est globalement stable et connu dans l'atmosphère. J'imagine que c'est plus compliqué depuis l'ère industrielle. Quand un végétal absorbe du CO2, il absorbe du carbone avec l'ensemble des isotopes. Quand il meurt, il cesse d'ingérer du CO2 et le carbone 14 se désintègre. Donc, le rapport carbone 12 sur carbone 14 va croître dans les carburants fossiles. Lorsque ce carburant fossile est brûlé, le rapport C12 sur C14, c'est-à-dire carbone 12 sur carbone 14, est modifié dans l'atmosphère par rapport à ce qu'il devrait être. On en déduit donc que c'est du vieux carbone qui est dans l'atmosphère et pas celui naturellement produit par le reste de l'activité biologique sur Terre. Entre parenthèses, je n'oublie pas l'activité géologique qui doit, elle aussi, je suppose, faire ressortir du vieux carbone dans l'atmosphère. Fin de la parenthèse. Note, je ne suis pas du tout biologiste, archéologue, géologue ou quoi que ce soit, je ne fais que ressortir mes souvenirs du lycée. J'imagine qu'on peut faire plus précis et plus sourcé. En même temps, je ne suis pas non plus en train de faire un dossier sur le carbone 14. Fin de la note. Par ailleurs, le dossier était très intéressant, comme d'habitude, et merci pour votre investissement dans Podcast Science. Eh bien, merci beaucoup à Pierre pour ces compléments d'information. Aistan, ou Astian, nous a aussi envoyé un message à propos du réchauffement climatique. Je suis tombé il y a quelque temps sur ce site, c'est donc un site en ligne, http://tool.globalcalculator.org, tout collé en un mot, qui permet de voir comment des modifications de comportement à l'échelle mondiale agiraient sur le réchauffement climatique. J'ai pas mal joué avec et j'ai remarqué que la quantité de viande consommée a un impact énorme sur le réchauffement climatique. Savez-vous si c'est basé sur des publications sérieuses ou si c'est une erreur ? On a eu toute une discussion dans notre mailing list en interne sur Podcast Science. Je crois qu'on lui a publié une réponse dans les commentaires. Honnêtement, je ne me rappelle plus ce que c'était, mais tout ce que j'ai sous les yeux là est barré. Je crois que la prêtresse n'avait pas prévu qu'on en parle. Du coup, on enchaîne. Enfin, si quelqu'un a des réponses, on est preneur. Non, mais je pense que le mieux, c'est justement de réfléchir à ce genre de choses, parce qu'il doit y avoir plusieurs effets de la production de viande à différents niveaux de la production pour pouvoir justement influencer sur le climat. Donc, c'est assez difficile de donner une réponse comme ça en bim. Mais par contre, la réponse de je ne sais pas qui est repassée en non barré. Ah, d'accord. Enfin, moi, j'ai toujours entendu dire qu'effectivement, ce n'était pas du tout rentable de manger de la viande et que, au point de vue rendement, il faut tellement d'énergie pour élever des vaches, par exemple, au point de vue culture, tout ce qui est notamment alimentaire. Et vu ce qu'on en ressort à la fin, apparemment, manger de la viande, c'est très mauvais pour l'environnement, en fait. Hein, d'après ce que j'ai lu et entendu. Ouais. On en avait parlé dans le podcast aussi. On avait fait un double épisode, ouais. Défi alimentaire. Et puis, c'était une des questions qui était posée. On est arrivé à la conclusion qu'il fallait bouffer des insectes, en fait. Au moins, ça s'élève tout seul, tu veux dire. Oui, c'est plus rentable. Les vaches passent la plupart de leur énergie à essayer de maintenir leur température corporelle, alors que les insectes, ils s'en foutent, quoi. Ils transforment ce qu'ils bouffent en viande. Bon, en gros, ce que disait Samuel, qu'on présentera d'ici la fin de l'émission dans le commentaire, c'était que le Global Calculator est un outil financé par l'Union européenne et le Royaume-Uni. Voilà, un gage de sérieux a priori, mais on n'a pas vraiment de réponse précise à la question qui était posée, à savoir s'il y a des publications sérieuses derrière. Si jamais quelqu'un en a, on est preneur. Pendant Lyon Science, Alan, tu nous avais proposé une petite expérience pour laquelle tu proposais de laisser des commentaires sur les sites. Est-ce que tu nous expliques ce que c'était ? Ah, bah, volontiers. L'expérience consistait à manger de la miraculine. Donc, c'est des baies c'est le fruit miracle, je crois. Enfin, c'est des pastilles qui sont produites à partir de molécules de miraculine, ce qu'on appelle le fruit miracle, sauf erreur en Afrique, qui a la propriété particulière de leurrer les récepteurs d'acidité qu'on a dans nos papilles gustatives. Et du coup, on a l'impression que tout ce qu'on bouffe est sucré. Et puis pendant Lyon Science, on s'est amusé à faire une petite expérience. Et ce qui en ressortait, parce que finalement, il y a plein de personnes du public qui ont essayé, ce qui en ressortait, c'était que c'était super intéressant pour manger des fraises pas mûres. Les fraises que j'ai trouvées venaient du Monoprix de la gare de la Part-Dieu à Lyon. Elles étaient effectivement pas très mûres. Bah, quand tu as mangé une pastilles miraculines, elles ont l'air d'être aussi savoureuses que pendant les meilleurs jours de la saison, comme si elles étaient gorgées de soleil. Voilà, ça c'est le feedback qu'on a pu avoir en direct. Et puis autrement, on attend toujours, je crois qu'il y a eu un retour sur le site. On attend toujours le feedback, soit sur le site de Lyon Science, soit sur celui de Podcast Science. Inti propose dans la chatroom en disant « Tu bois du vinaigre, on dirait du sucre, apparemment, après avoir testé. » Ah, il a essayé du coup. Ouais. On a eu un retour des oui, ouais, tout à fait, qui nous a dit « Après avoir goûté, je vote pour olive framboise et banane persil. » Alors ça, du coup, ça, c'était pas pour la gomme. Non, ça c'était pas... enfin oui, il y avait aussi cette expérience-là, c'est-à-dire que j'ai parlé de la science de l'harmonie des saveurs. Et certains chercheurs ont découvert qu'il y avait toujours une molécule en commun quand deux saveurs vont bien ensemble. Donc ce qu'ils ont proposé, c'était d'identifier les molécules avant de savoir si les saveurs vont bien ensemble, et puis de les proposer à la dégustation. Du coup, le mariage framboise-olive, par exemple, est censé très bien fonctionner parce qu'il y a une molécule en commun. Et c'était assez rigolo de voir pendant Lyon Science les gens du public qui essayaient. C'était un peu comme un cocktail dînatoire, sauf que c'était que des mélanges complètement improbables. Et tout le monde goûtait ça très sérieusement. Et il y avait des résultats intéressants. Il y avait chocolat blanc caviar aussi. Il y avait bleu d'Auvergne et chocolat noir. Je ne sais plus ce qu'il y avait encore comme combinaison. Mais il y avait certains trucs qui marchaient effectivement pas trop mal. Il y en avait d'autres qui étaient absolument abominables. Et pour info sur l'émission Lyon Science, elle va arriver un de ces quatre sur notre flux. Elle est en cours de finition de montage. Et puis on la diffusera un de ces jours sur le flux de Podcast Science. Et vous devriez la retrouver aussi sur le site lyonscience.fr. Ok, merveilleux. Ah, puis donc, Evie nous disait que lui vote banane persil. Ouais. Et olive framboise. Tout à fait. Très bien. Ensuite, on va parler un peu de l'épisode de Johan sur Feynman. Sur le dossier, Michael nous envoie. J'ai adoré l'épisode. Ce mec était un ouf et Johan a bien tout raconté. Merci. Après Hawking et Turing, à quand le film biographique ? Voilà, et puis sur un dossier. Sur Johan ? On va avoir un film sur Johan ? Non, non. Oh. Sur Feynman. Presque pareil. Ça va être une excellente idée. J'attends les caméras. Oh, mais zut alors ! Le film sur Johan, c'est dans une dizaine d'années. Seulement. Et puis sur un dossier un peu plus ancien, c'était sur le dossier d'Irène sur le sang, la partie 2, le sang contaminé, Gaudry nous écrit... Johan, réveille-toi. Ouais, Johan. Pardon, c'est encore moi. Réveille-toi. Pour Nicotube, les soins dentaires entraînent un risque faible de passage de bactéries dans le sang. Or, certaines bactéries buccales ont la très mauvaise aptitude à s'installer sur les valves cardiaques et à les abîmer. C'est la raison pour laquelle, avant certains soins dentaires, le dentiste prescrit une prise d'antibiotiques. C'est aussi le motif de ton éviction temporaire du don du sang. Ouais, donc pour rappel, c'était que je disais qu'une fois j'avais été refusé de don du sang parce que j'avais eu des soins dentaires, je me demandais pourquoi, et donc je suis ravi d'avoir la réponse. Ouais, nickel, merci beaucoup, Audrey. On a reçu un message sur le dossier de Nico sur les nombres complexes de notre ami Fred, justement, le Fred dont on ne sait pas prononcer le nom de famille, celui des blogs audio. Perso, j'ai beaucoup aimé ce dossier. Si mon prof de maths m'avait expliqué la vraie origine de ce nombre imaginaire, pourquoi il est apparu subitement en mathématiques, cette notion serait mieux passée. Merci Nico. Merveilleux. On a reçu aussi un message d'Étienne qui avait une question, là c'était sur l'épisode maths et musique de Robin. Étienne, dossier très intéressant, serait-il possible de mettre les références des morceaux écoutés dans la description ? Un petit message du coup de la part de Julie. Robin, tu te souviens, t'as un dossier écrit peut-être à proposer à Étienne ? C'est ça. J'ai un dossier écrit dans mon carnet. Et avec des partitions avec de musique juste écrites aussi. Une phrase sur 10. Parfait. Bon, bah, non, mais je sais. Hein. Il faudrait que je le réécoute. Et que, bah, je sais pas, on confie la retranscription à un éditeur qui met tous les titres. Ça part, hein, Robin. Franchement. Si, j'ai un peu honte. Je pense que Boson saura écrire et taper le dossier au clavier avant qu'il le fasse. Non, je vais quand même essayer de le faire avant. Mais je sais pas, faudrait que je... Ouais, ça serait bien. Je culpabilise énormément. Toujours sur les vaccins. Tout à fait, sur les vaccins, où on a un message qui nous dit « Hello Podcast Science, le problème du mouvement anti-vaccination a fait l'objet d'un sketch de Jimmy Kimmel, Enjoy, avec un lien YouTube qu'on vous mettra à la note de l'émission. Merci pour le podcast. » Et c'est un certain Nico à Vancouver qui nous l'a envoyé. Et donc, si vous n'avez pas encore vu ce sketch, bah, précipitez-vous sur le lien YouTube. Enfin, pas tout de suite, attendez la fin de l'émission. Attention, il y a un petit spoil sur Breaking Bad pour info. À part ça, donc, Alan, il paraît que tu t'es fait avoir. Je ne sais même pas de quoi je parle, je lis bêtement. Mais sinon, le message est génial. Ouais, mais bon, chez moi, c'est pas grave, j'ai aucune mémoire. Ça m'a choqué sur le moment, un truc auquel je m'attendais pas du tout dans Breaking Bad. Et puis finalement, j'ai oublié depuis. Donc, c'est pas grave, je peux regarder Breaking Bad tranquille. Bon, après ça, on a eu un retour sur l'épisode sur Interstellar. Toujours des commentaires sur ce dossier qui a fait un tabac, dossier de Nico. C'est encore un Fred, un invité, enfin invité dans notre système de commentaires, qui nous dit « Excellent épisode, j'ai acheté le bouquin de Kip Thorne, qui est vraiment excellent. En plus du film, il m'a permis de mieux comprendre un roman que je viens de lire et que je recommande, Singularity de Desmet, D-E-S-M-E-D-T. » Et c'est et pas peu fier parce que ce dossier est en passe de devenir le dossier le plus écouté des 12 derniers mois glissants devant les ordinateurs quantiques. Ah, c'est joli. Pas encore fait, mais il est deuxième, il est numéro 2. Bravo, ça veut dire que les gens l'ont compris, c'est ça ? C'est ça, parce qu'en général, nos épisodes les plus écoutés sont les épisodes que les gens comprennent le moins. Prends rien. ensuite, on a eu un retour sur les hormones sexuelles. C'était un dossier d'Irène. Eric apporte quelques précisions. Donc, commentaire tardif pour expliciter les 3 à 4% d'homosexuels chez les hommes et 1 à 2% chez les femmes. Ces chiffres correspondent aux personnes dont l'orientation sexuelle correspond à l'échelon maximum hors asexualité sur l'échelle de Kinsey, c'est-à-dire une homosexualité stricte. Bien évidemment, ces chiffres augmentent grandement lorsqu'on ajoute des degrés variés d'orientation décrits par cette échelle. Peut-être que tu peux nous dire deux mots, Alan, sur l'échelle de Kinsey, parce que tu m'en avais déjà parlé. Ouais, alors c'est une échelle qui présente 6 degrés dans ce faire erreur, je dis ça de mémoire, 6 degrés dans l'homosexualité, c'est-à-dire que à 0 on est, ou à 1 on est complètement hétérosexuel, à 6 on est complètement homosexuel, et puis Ce que nous dit donc Eric, c'est que les 3-4%, pardon, j'ai un chat dans la gorge, deux secondes. Les 3 à 4% d'homosexuels ou les 1 à 2% se correspondent ceux qui ont... Personnes qui sont à 6 sur l'échelle de Kinsey. Donc ouais. Qui sont full homosexuels, qui n'ont jamais... Enfin, qui sont complètement homosexuels, quoi. Exactement. Échelle qui, d'ailleurs, est complètement remise en question. C'est un truc qui date des années 40, de la fameuse étude Kinsey. Et comme on en a papoté plusieurs fois, il y a beaucoup d'études, en fait, qui sont dans ce cas-là, quand ça part d'homosexualité, qui, en fait, considèrent surtout des homosexuels purs et durs ou des hétérosexuels purs et durs. Ouais, absolument. Alors, en fait, dans la littérature scientifique, les bisexuels sont quasi inexistants. Et c'est probablement un biais culturel. Et puis aussi, parce que c'est peut-être moins simple à étudier. Peut-être, ouais, ouais. Mais enfin, ça, c'est un phénomène qui est apparemment qui est nié, quoi. C'est comme si ça n'existait pas. Du coup, je pense qu'il y aura beaucoup d'évolution des théories ces prochaines années, maintenant que... On commence à se décoincer un peu sur ces sujets-là et qu'on en parle plus volontiers. Affaire à suivre. De toute façon, on va bientôt faire quelque chose sur le sujet. Petit teaser, comme ça, en passant. C'est vrai que moi aussi, je pense que ces chiffres vont augmenter. C'est ma prédiction et c'est seulement la mienne, mais je pense que ces chiffres vont augmenter parce que c'est tellement un sujet qui est de moins en moins tabou. Il y a tellement plus de gens maintenant qui peuvent l'assumer tranquillement, qu'à mon avis, les chiffres vont bouger. Mais bon, on verra. C'était la prédiction d'Irène. Oui, absolument. Sinon, on a reçu un message sur l'interview qu'avait préparé Pierre du professeur Sellos sur les transferts horizontaux. Un message de Coralie Ulysse. Merci pour ce podcast passionnant qui a beaucoup inspiré mes élèves de Terminal S qui ont eu une semaine pour l'écouter à l'aide de leur tablette ou smartphone, puis ont essayé de répondre à la recherche d'une définition de l'espèce sous la forme d'un petit débat fait classe. Je vous joins le lien sur SoundCloud, donc on mettra le lien dans les notes de l'émission et on va même le faire écouter maintenant. Merci à tous, bienvenue sur Espèce FM. Aujourd'hui, nous accueillons le débat, le célèbre débat de la définition de l'espèce, d'après le podcast scientifique du monsieur Sellos. Radio Espèce. Oui, bonjour à tous, merci d'être là, tout particulièrement à Constance, Michael, Samuel et Thomas. Alors dites-moi, comment peut-on définir la notion d'espèce aujourd'hui ? On peut donner donc plusieurs définitions de l'espèce sur un critère, par exemple, d'interfécondité qui regroupe des individus capables de se reproduire et de créer des individus fertiles à leur tour. Il est utile surtout pour regrouper les animaux. Il existe aussi une autre définition de l'espèce qui repose sur les critères phénotypiques, c'est-à-dire qu'on va identifier les individus appartenant à une même espèce comme étant ceux qui se ressemblent. Ouais, mais pourtant, on peut avoir deux lézards qui se ressemblent mais qui ne sont pas forcément de la même espèce, comme les lézards verts. Oui, donc si je comprends bien, il y a un critère de descendance, d'interfécondité, et un critère de ressemblance phénotypique. Alors les bactéries, elles se ressemblent, mais elles ne font pas la reproduction sexuée, puisqu'elles n'ont pas besoin de se mettre à deux pour avoir une descendance. Donc comment savoir si des bactéries sont de la même espèce ? Dans une population de bactéries, la définition est tout autre, puisque 75% du génome doit être commun, et il n'y a pas d'interfécondité, et le critère phénotypique ne rentre pas en ligne de compte. Merci Constance pour cette troisième définition, à l'échelle moléculaire, qui permet donc de regrouper des populations de bactéries dans une même espèce, si elles partagent au moins 75% de gènes en commun. Cette définition est en effet utile pour approcher une vision évolutive de l'espèce. Bon, c'était tout pour aujourd'hui. Merci et nous accueillerons demain un nouveau débat sur, encore une fois, l'espèce. Bon, je crois qu'on a une leçon de rythme à prendre dans les débats, quoi. Ah ouais, là, c'était cool, hein. Je trouve que c'est la méga classe. Donc, la prof leur a imposer l'écoute de podcast science, ils avaient une semaine pour analyser le discours et puis ils ont produit ça à l'arrivée. Je trouve ça juste bestial, quoi. C'est génial si ça, ouais. Si ça pouvait toujours se passer comme ça au lycée. Ouais, on note quand même que c'est le deuxième prof qui impose l'écoute de podcast science à ses élèves qu'on reçoit. Ouais, au moins le deuxième. Je crois qu'il y en a plus, en fait. On pourrait d'ailleurs suggérer comme punition à des élèves d'avoir à retranscrire un épisode, non ? Non, non. Non. Faut pas qu'ils associent ça à une punition. C'est juste pour toi, Robin, les punitions. Tu dois faire ton dossier à l'écrit. C'est pas une tu punition, c'est le minimum. Tu me le feras en trois couleurs. Pierre, les définitions de l'espèce, elles te semblaient... Enfin, de la notion d'espèce, elle te semblait correcte dans ce qu'on a entendu ? Ils ont bien suivi, les élèves ? Ça avait l'air très, très rigoureux. Il n'y avait pas de souci vis-à-vis des définitions. Je pense que c'était encadré d'une certaine manière, mais rien que de le ressortir comme ça et sans sourciller, sans problème, ça montre à quel point, je pense, ils ont compris justement les définitions, ce que je ne peux pas dire nécessairement de la plupart des élèves qui passent dans mes cours. Voilà, donc je pense que la solution est toute trouvée. Je leur fais... Je diffuse ça à la place d'un cours et puis après je leur demande les définitions. Tu n'as encore jamais forcé tes élèves à écouter un épisode de podcast science ? Non, mais ça ne saurait tarder. Ok, très bien. Et puis donc on disait qu'on terminait par des retours en vrac de Steph. Salut podcast science, plein de bravo pour vos dernières émissions. En particulier celle sur le sang contaminé. J'aurais jamais cru que ce sujet puisse m'intéresser autant et je suis resté scotché à mon PC comme devant un bon polar. Un autre grand bravo pour les sujets de maths. Bien qu'ayant suivi une formation scientifique parce que j'étais bon en maths, c'est une matière que je n'ai jamais vraiment comprise ni appréciée. Jusqu'à ce que je découvre les dossiers de Robin. Je pense que ce qui me manquait et ce qui manque dans l'enseignement scolaire en général, c'est le pourquoi de l'apparition de certains concepts mathématiques, comme les nombres complexes, les fonctions log, les groupes, etc. Pour finir, un petit plug, il y a une superbe vidéo de Code Mu pour... Sur le pourquoi du 70, 80 et 90, je suis sûr que ça plaira à Alan. Tout de bon et que servir la science soit votre joie. Steph, qui vous écoute en construisant un igloo. Trois petits points, sérieux. Lui, il veut un podcast Science Award. Il a toutes ses chances. En parenthèse, la chaîne CodeMu est absolument géniale. C'est un de ces youtubeurs bourrés de talent qui lui parle du français, des règles de grammaire, de l'origine des mots, etc. C'est vraiment à la cool. Et donc, t'es convaincu ? Je suis absolument convaincu. Par contre, je crois qu'il y avait une petite erreur dans cet épisode. On va lancer une battle. Là. Je lui ai laissé un commentaire sur YouTube. Je ne suis pas vraiment convaincu de la réponse. Il indiquait que certains locuteurs disent « octante » pour 80. Et moi, je suis absolument persuadé que ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que les Suisses sont convaincus que c'est les Belges qui disent ça, les Belges sont convaincus que c'est les Suisses. Et puis, il y a toujours pour dire qu'il connaît vaguement un Belge ou un Suisse qui l'aurait déjà dit. Je crois que octante n'existe pas. C'est une légende urbaine. Moi, je dis systématiquement octante. Et toi, tu te tais. Je lance un appel aux auditeurs. Si quelqu'un connaît quelqu'un qui dit octante et peut l'enregistrer, moi, je voudrais avoir une preuve de ce truc parce que je pense que c'est une légende urbaine. Oh, mais moi, je peux te l'enregistrer quand tu veux. Ouais, moi aussi. Octante. Moi aussi, hein, je peux dire octante. Moi, je connais un Suisse qui vient de le dire plusieurs fois. Là. Ton protocole de validation n'est pas génial. Mais c'est pas grave, moi, je fais confiance. Je veux une vraie preuve pleine de bonne foi. Vous êtes de mauvaise foi, ça ne peut pas marcher avec vous. Donc, en gros, là, pour le convaincre, il faudrait remplir un amphithéâtre de Belges et de Suisses, leur faire dire octante à tous, et on a gagné. Mais c'est quoi le pari ? Un enregistrement dans une école primaire où ils sont en train d'apprendre à compter, ça, c'est crédible, ça. C'est pas à vous que ça s'adresse. En plus, ça s'adresse pas aux Français en général, qui sont de mauvaise foi, c'est dans leur gène. Je m'adresse aux auditeurs belges et suisses. J'aimerais savoir si quelqu'un dit vraiment octante. J'y crois pas. Moi, je veux voir Alan se mettre en colère. Vas-y, Alan, vas-y. Pas sur ces sujets-là. Juste pour rajouter une information vis-à-vis de CodeMu, il fait partie de la vidéothèque d'Alexandrie, vidéothèque qui a été fondée par Raphaël, donc le professeur Mu, et Nota Bene aussi, que vous allez accueillir bientôt. Yes, qui va nous parler de l'histoire de la médecine. Ils sont épatants, tous ces gens. Un petit sujet rapide, l'histoire de la médecine. Ouais, c'est ça. Enfin, rien comme ça. Sinon, on a eu pas mal de messages d'auditeurs. Donc on commence par un message audio de Laurent. Salut Podcast Science, c'est Laurent, connu aussi sous le nom de Mood sur le chat. Ce petit message audio pour vous remercier vraiment chaleureusement du boulot que vous abattez. Donc moi j'écoutais, je vous podcastais en voiture depuis un an et demi, et j'avais jamais réussi à trouver le temps, ou pour le moins prendre le temps de participer à un live. Et je suis vraiment ravi d'avoir choisi celui de Luminé, parce que c'était vraiment lumineux. Désolé pour le jeu de mots pourri. Voilà, et je suis ravi que Robin ait réglé son problème de micro, parce qu'en fait, il arrivait à décoller les garnitures de ma portière quand je vous écoutais en voiture, donc ça, c'est super extra. Voilà, donc merci beaucoup pour tout le taf, félicitations à toute l'équipe, et que servir la science soit votre joie. Merci Mout. Merci Mout. Alors, on a reçu un message aussi de Thomas pour toute l'équipe, mais particulièrement Nico quand même. Alors Thomas dit « Bonjour, voici des années que je vous écoute, je suis un illustre anonyme, poditeur offline. Voici une tupe mobile croisée près de chez moi. J'ai tout de suite pensé à Nico Tupe. Merci pour votre merveilleux podcast que je déguste à chaque fois avec mes oreilles. Que servir la science soit votre joie et qu'écouter podcast science soit le but de tous les poditeurs. Thomas le Carpentier, alias Toto le Héros. » Il faudra qu'on trouve un moyen de partager l'image de la tupe mobile. Je vais essayer de la glisser dans la chatroom. C'est très cool. Tupe qui veut dire trouver un préservatif. C'est ça. Excellent. C'est vraiment excellent. On a ensuite un message de Jidan, qui nous a rejoint suite à l'épisode avec Bruce Dipenser. Alors, Jidan nous dit « Bonjour à toute l'équipe. Je vous ai découvert grâce à votre interview sur Bruce Benamran. Du coup, je suis très en retard sur vos podcasts. J'ai commencé à les écouter depuis le numéro 70 environ et j'en suis au 130. Vous faites un super travail et je vous en félicite. Le podcast est bien monté et les sujets présentés sont à la fois bien structurés et très intéressants. Je redoute le moment où je serai à jour et où je devrais attendre le prochain podcast Science. Mais j'ai aussi hâte pour pouvoir participer au live. Allez, encore 80 épisodes. Tu veux dire à bientôt encore, et encore bravo. Tu veux dire encore octante épisode. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, et oui, ah, et oui, zut. Papa, t'as interrompu le message d'auditeur pour ça. Non, mais franchement, 80 épisodes. Damn it. Je ne sais pas si on a eu beaucoup d'auditeurs qui nous ont rejoints après cette interview de Bruce. Si, je crois qu'on en a eu quelques-uns. On a eu plusieurs messages, en tout cas, de gens qui nous ont découvert par ce biais-là. Et ce qui est rigolo, ça, je ne m'y attendais pas du tout, c'est qu'on a des gens qui ont découvert Bruce aussi par le biais de cet épisode. Ça, je vais avouer, je m'y attendais un peu moins. Est-ce qu'il nous a remercié au moins pour... C'est ça, non, pas encore. Il n'a pas mis le t-shirt que normalement il devrait avoir reçu encore. Ah, ça ne saurait tarder. On enchaîne ensuite sur une devinette pour Nico et Robin, donc qui est arrivé peu après la journée de Pi. C'est moi qui dois lire ça. Tu veux que je la lise peut-être? Vas-y, lis-la. Bonjour, petite devinette. Deux Pi sont dans un bateau, un Pi tombe à l'eau, que reste-t-il? Voilà, il faut préciser que 2 pi, donc c'est pi, le nombre pi, et puis un bas, tau, c'est un bas, et puis le symbole le tau. Tau, qui vaut 2 pi. Blague de matheux, quoi. Voilà, c'est ça. Ah, c'est vrai que c'était assez obsessionnel le jour de la journée de pi, les blagues comme ça. Bref. Une question de Thomas sur la mémoire de l'eau qui, je pense, ne fera pas trop débat. Bonjour, j'ai regardé plusieurs conférences récentes proposées par un certain professeur Marc-Henri qui semble déterrer la fameuse théorie de la mémoire de l'eau en l'enrobant de physique quantique. Est-ce une énième arnaque ou avez-vous connaissance d'avancées réelles dans ce domaine, bien cordialement? Je crois que la théorie de la catastrophe réhabilite la mémoire de l'eau. Fais attention à ce que tu dis, parce qu'il y a des gens qui vont s'en servir et qui vont citer ça, etc. On va se choper un procès par des altermondialistes, tout ça, mais c'est pas grave. Donc voilà. Je pense qu'on va se contenter de dire qu'il n'y a pas d'avancée, non, et que c'est sans doute du coup une énième arnaque, alors, mais ouais, qui peut être une arnaque sincère. Moi, je dis arnaque, alors total. Sur la mémoire de l'eau, je pense qu'on en parle très souvent de ce bouquin-là, c'est l'arnaque scientifique en 10 leçons, l'imposture scientifique en 10 leçons, qui est toujours... Et il y a un long chapitre aussi sur la mémoire de l'eau, et ils expliquent comment c'est devenu une imposture scientifique. Non, c'est Michel de Pracontal. Il y a un épisode de Lisez la science sur le sujet. C'est un livre qu'aime bien Histoire de citer Lisez la science. Pardon, un retour d'Aude sur le freestyle précédent. Alors, Aude nous dit « Bonjour, bonjour, encore un freestyle au top. Oh, oui, je veux bien un dossier sur le gluten. C'est sûr que ça doit être à la mode. Je n'arrête pas d'en entendre parler autour de moi et même on m'a conseillé de tester un régime sans gluten. Pourquoi? Je vais très bien. Non, pas pour moi. Des bises à toutes et à tous. Aude. » Voilà, donc Aude, elle n'y croit pas trop, non, au régime sans gluten. C'est vrai qu'on a eu plusieurs, on a eu plusieurs commentaires sur des gens qui nous demandaient de, quelque chose sur ça, en mode un peu débunkage de, d'arnaque scientifique. Méal nous a envoyé sur Twitter une image qui devrait plaire à Robin et qui nous dit... Qui nous dit, en termes de pavage, on est pas mal. Élément de base sympa et symétrie ammonitique. Évidemment, il faudrait voir l'image. Je confirme que ça m'a beaucoup plu. On mettra le lien dans les notes de l'épisode. Ah ouais, c'est de... beau ça. Ouais, c'est, un... c'est une sorte de coquillage qui a des répétitions assez sympas. Fred a une petite requête. Alors, Frédéric nous dit, bonjour, j'adore Podcast Science et je vous en supplie, continuez aussi longtemps que possible. Mais... s'il vous plaît, pourriez-vous arrêter de décaler la voix de certains interlocuteurs à droite ou à gauche ? L'écoute, en particulier des dossiers et longs monologues, en est rendue artificiellement pénible. Merci d'avance et longue vie à Podcast Science. Alors, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que c'est pas volontaire. On fait pas ça exprès pour faire chier ou autre chose. Alors, volontaire, ça veut dire est-ce que tu écoutes les conseils des gens qui te disent qu'il y a un problème et qu'en fait tu les ignores? Oui, justement. Depuis qu'il y a eu l'écoute, qu'il y a eu un problème, maintenant je fais attention à ça et je tâche de le corriger. Donc, depuis, je sais pas, une dizaine d'émissions, ça doit plus trop être le cas, sauf exception. Donc, je tâche de le. Normalement, ça doit plus trop être le cas, quoi. On a ensuite une petite question pour notre ami Pierre. Question de Bastien qui dit « Salut au podcast Science Crew. Je vous écoute depuis des années maintenant, je ne rate aucun épisode. J'ai découvert tellement de choses et d'autres podcasts grâce à vous. Merci. Je sais qu'il y a eu des épisodes parlant de l'évolution de la vie et ce qu'on sait ou ne sait pas sur son apparition, mais j'ai eu une discussion à propos de cela avec ma mère. Elle m'a posé une ou deux colles. Sait-on si la vie est apparue puis a évolué ou continue-t-elle d'apparaître en permanence autour de nous ? J'imagine que la réponse doit être bien plus compliquée que ça. Si vous trouvez le temps d'en parler, ce serait génial. À plus, bonne continuation, je vous écouterai. Bon, du coup, ça, c'est pour Topo. Sait-on si la vie est apparue puis évolue ou continue-t-il d'apparaître en permanence autour de nous ? Alors, il y a plusieurs lignes d'évidence qui permettent de croire que la vie est apparue, une fois, en tout cas, a perduré qu'une fois sur notre planète, c'est qu'on partage tous, en tout cas toute la vie qu'on connaît, partage grosso modo le même code génétique, ce qui laisse supposer qu'on travaille sur les mêmes bases. Donc cette vie-là, qui utilise le matériel génétique avec notamment un code avec des triplets de nucléotides qui permettent de coder pour des protéines, ça, visiblement, c'est partagé par l'ensemble du vivant tel qu'on connaît sur la planète. Alors il y a deux écueils à ça. Il y a d'une part, est-ce qu'on est en mesure de détecter la vie qui ne ressemble pas à ça. Et du coup, est-ce que, parce qu'on ne cherche pas une autre forme de vie, et ben, tout simplement, on ne la rate pas. Et d'autre part, ça ne nous laisse pas savoir aussi s'il n'y a pas des formes de vie qui apparaissent à l'heure actuelle. Le truc, c'est que depuis pas mal de milliards d'années que la vie existe sur la planète, elle a du coup évolué et est devenue de manière assez efficace pour pratiquement l'intégralité des organismes pour obtenir des nutriments de son milieu. Or, toute forme de vie qui essaierait d'émerger et qui, d'une certaine manière, utiliserait les nutriments pour pouvoir s'auto-réaliser, pour se reproduire, serait probablement nécessairement moins efficace que les formes de vie qui ont derrière elles plusieurs milliards d'années d'évolution pour pouvoir perdurer sur notre planète. D'autre part, sait-on si la vie est apparue puis a évolué ? Il y a aussi la question de d'où vient la vie, et ça c'est une question qui dépasse moi de toute façon mon terrain d'expertise, puisque moi je m'intéresse que à l'évolution et non pas à l'origine de la vie, mais il y a plusieurs théories, dont une qui est la théorie de la panspermie, qui voudrait dire que la vie vient de d'autres planètes ou d'autres endroits dans l'univers et qui aurait d'une certaine manière ensemencé différentes planètes et trouver dans notre Terre un terrain propice justement à la reproduction. Mais ça voudrait dire que du coup, dans d'autres planètes, il y a d'autres formes de vie et du coup, ça se trouve, elles n'ont rien à voir à ce qu'on est capable d'observer sur notre planète. Mais en quelque sorte, ça ne résout pas le problème d'apparition de la vie. Tu le déplaces juste quand tu dis c'est arrivé. Voilà, ça nous permet aussi de comprendre ça vis-à-vis de la vie sur notre planète et peut-être pourquoi la vie sur notre planète est uniforme. D'accord. Oui, il y a aussi quelque chose, c'est que quand on dit que ça a été amené, c'est pas quelqu'un qui l'a déposé. Il y a un film d'ailleurs comme ça, mais c'est que c'est des comètes qui, ouais, qui, c'est Mission to Mars, c'est ça? Oh non, je pense à Prometheus, mais vraiment. D'accord, oui, il y en a plusieurs, très bien. Donc oui, qui a été amené par des comètes parce qu'on sait grâce à différentes structures de l'eau terrestre et la structure de l'eau qu'on trouve dans les comètes, que une grosse partie de l'eau sur Terre a été amenée par des comètes. Juste rassure-moi, Topo, tu avais préparé la réponse. Là, c'est pas sorti comme ça spontanément. Ben, j'ose plus répondre maintenant. non, si, c'était spontanément. C'est vrai ? Waouh. Wow. Non, non, mais j'ai déjà fourni ce genre de réponse à mes étudiants. C'est peut-être pour ça que ça sort. C'est, ouais. J'imagine que si tu poses des questions de quelque chose que Robin a rabâché des milliers de fois dans la salle des mathématiques du Palais des Découvertes, il te le sort les yeux fermés, à l'envers, à l'endroit. Voilà, quoi. On passe maintenant à un message de Covin. Salut l'équipe. Tout d'abord, un grand merci pour ce formidable contenu culturel que vous nous offrez. Merci surtout pour votre bonne humeur et votre rigueur dans la constitution de l'exposé de vos dossiers. Par ailleurs, si un jour vous êtes à court de sujets, j'aimerais beaucoup écouter le fruit de vos investigations à propos notamment de la négation publique par les autorités du phénomène OVNI au travers de l'envergure minime des budgets consacrés officiels à des résultats qui n'en découlent pas, même si différents gouvernements travaillent très probablement à ce propos en secret. En effet, c'est tout juste si le rapport Cometa ne m'empêche pas de dormir. De plus, je trouve aussi très passionnant de s'interroger sur le crédit à apporter à Lockheed Martin quant à son annonce fracassante, qui tient plus du teaser que de blockbuster que de la publication scientifique, au regard de la pauvreté des données techniques, il y a environ un an, de rendre opérationnel un réacteur à fusion nucléaire aux dimensions d'un conteneur transportable sur un camion d'ici une dizaine d'années. Et ainsi de rendre radieux notre avenir énergétique. Quel serait l'intérêt pour un tel consortium de ruiner son image par l'annonce d'une telle blague, si c'en est une ? Voici quelques pistes pour démarrer. Z-Machine, Malcolm M, Laboratoire Sadia, filiale de Lockheed. Enfin, parce que je ne vous le dirai jamais assez, merci pour tout le travail déjà accompli, car en partie grâce à vous, j'ai muté de lycéen médiocre et inintéressé à citoyen passionné par, entre autres, l'avenir énergétique de l'humanité, l'exploration spatiale ou encore le transhumanisme raisonné. Merci. Alors, qu'on ne faisait pas trop attention à ça en France, il y a un département du CNES qui s'appelle le GEPAN, qui est groupe d'études et d'informations des phénomènes aérospatiaux non identifiés. C'est pas des centaines de personnes, hein, mais il y a quelques personnes qui sont là pour étudier les phénomènes aéronautiques non identifiés, qu'on appelle des PAN, et qui font aussi pas mal d'informations des gens aussi pour débunker aussi pas mal d'arnaques. On peut peut-être l'envoyer aussi sur le podcast de Jean-Michel Abrassard, qui quand même a fait un paquet d'épisodes, pas que sur ce sujet-là bien sûr, mais sur les ovnis, il en a fait aussi beaucoup et il y a beaucoup de choses intéressantes. C'est petit. Et sinon, on peut aussi rappeler que la saison de X-Files, la prochaine saison, va sortir bientôt. Mais ça n'a rien à voir. Je ne suis pas non plus totalement persuadée que les laboratoires Sandia, ce soit une filiale de Lockheed, mais bon, ça ne fait rien non plus, je ne sais pas. Honnêtement, ça m'étonne un peu, mais bon. T'avais autre chose, Alan ? Non, moi j'ai rien à ajouter. Effectivement, il faut aller écouter notre ami Abrassard sur ces questions-là. Par contre, Alan, tu avais reçu un message pour Mathieu et Robin, c'est bien ça ? Ouais, de One Eye Valhalla, qui dit « Bonjour, j'imagine qu'on a dû vous poser la question 1000 fois, mais est-ce que le départ de Mathieu est définitif ? Est-il repassé récemment dans des épisodes que j'aurais loupés ? J'ai tendance à n'écouter que les émissions dont le sujet m'attire. Sinon, bravo pour votre boulot, j'aime particulièrement les dossiers de Robin sur les maths, si on m'avait dit que j'écrirais ça un jour. » En dehors de ça, j'aime les sujets qui font rêver, les trous noirs, exploration spatiale, chaos. Le dossier sur les altersciences était également très intéressant. Bonne soirée et bonne continuation. Alors, un message comme ça, forcément, je l'ai relayé à Mathieu pour avoir sa réponse. Et la réponse de Mathieu est la suivante. Il dit, ça fait effectivement une éternité que je ne suis pas revenu sur Podcast Science. Je suis très occupé. Les dossiers sur la physique fondamentale que j'ai l'habitude de traiter demandent beaucoup de préparation. Rien n'est définitif, j'essaierai de faire un retour ponctuel à l'occasion, mais ça restera très occasionnel. Quand le LHC retrouvera de nouveaux bosons et probablement une nouvelle physique liée à cette découverte, ça pourrait être l'occasion d'en parler sur Podcast Science. Bon, ça va, ça devrait être dans quelques mois. Bah ouais, le LHC vient de redémarrer. Mmh. Alors, on a une question de Florence maintenant. Alors, Florence nous dit bonjour. Tout d'abord, félicitations pour votre podcast. Il est super intéressant. Les dossiers sont bien travaillés et bien expliqués. On apprend plein de choses. Je vous contacte car lors de l'écoute d'un des épisodes, je ne sais plus si c'est sur l'un des épisodes sur le zéro ou les complexes, vous évoquez le livre d'un sociologue sur Internet. Vu que je vous écoute généralement lors de déplacements à vélo, je n'ai pas pu noter le nom du sociologue. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Je sais, ça remonte à loin. Merci et continuez de nous remplir la tête de savoir. Florence. Alors oui, on a la réponse. Alors, c'était Gérald Bronner, le sociologue. Et puis j'ai échangé avec Florence par email directement. Elle a confirmé que c'était bien ça qu'elle avait entendu. Ça devait être la démocratie des crédules, du coup, j'imagine. C'est ça, ouais. Bah, du coup, on termine par un message d'Arnaud qui nous dit « Bonjour, je tiens tout d'abord à féliciter pour votre travail sur le podcast. Les explications sont claires et les sujets variés. C'est toujours un plaisir de vous écouter. Je suis un jeune ingénieur bioinformaticien au laboratoire de sécurité des aliments. J'ai beaucoup apprécié votre podcast qui portait sur l'histoire du séquençage, mon domaine d'activité, même si je n'ai appris que peu de choses. J'ai pu par la suite le conseiller à mes collègues biologistes qui se tournent de plus en plus vers ces technologies. Si vous le souhaitez, je propose mon aide pour de futurs podcasts. Ma spécialité scientifique très large et à la pointe de la technologie m'apporte de fortes connaissances en biologie, génétique, biologie évolutive, microbiologie, mais aussi en informatique, programmation, big data, algorithmique et statistique. J'ai aussi une mission d'animation scientifique au sein de l'ANSE, ainsi qu'à travers plusieurs conférences. Dans tous les cas, je vous souhaite bon courage pour la suite. N'hésitez pas à me solliciter si vous le désirez. Au plaisir de vous écouter, Arnaud. C'est l'ANSES, je pense. ANSES, je n'ai jamais prononcé, donc ANSES peut-être. Et du coup, on peut lui faire la réponse habituelle. Tu peux nous envoyer un premier bout de dossier pour demain 16h et puis on commence à faire des allers-retours et puis tu viens en parler en direct. C'est un excellent réflexe. Faudrait l'enregistrer comme pitch. Tu le fais comme une petite boîte à son. Non, d'autant plus qu'au niveau de tes domaines d'expertise, je crois qu'on commence à avoir dans l'équipe pas mal de moyens de vérifier, de d'avoir du retour, etc. Donc, n'hésite pas. Et voilà, je ne sais pas si vous avez autre chose à rajouter. Non. Bah oui, non, on attend. Voilà, on attendra patiemment. Demain, 16h, quel que soit le moment où tu écoutes ce message. C'est ça qui est important, c'est le 16h. En fait, c'est le demain, 16h. Le reste est relatif. On va faire un petit retour sur les dons. Donc, merci toujours pour les dons, en particulier tous les dons récurrents qu'on ne cite pas à chaque freestyle. Et cette fois-ci, un petit don, un petit merci notamment à Frédéric Rieux et Bernard pour leurs récents dons qui sont arrivés. On en profite aussi pour vous signaler, on vous dit depuis longtemps qu'on n'utilise pas mais qu'on va l'utiliser pour des choses utiles. Ben, c'est en partie grâce à vos dons qu'on a pu interviewer Luminé dans de bonnes conditions. C'est-à-dire que l'endroit où on a installé le studio et où Julie, Johan et moi avons dormi, ça a été payé par Podcast Science. Il y a eu un peu de matériel qu'on a eu besoin d'acheter à la dernière minute qui ont été payés par Podcast Science. Enfin, voilà, ça a permis déjà une première chose qui n'est pas anodine, à savoir interviewer Luminé sur place à Marseille. Donc voilà, merci beaucoup. Un immense merci, c'est vrai. C'est vraiment formidable d'avoir enfin des sous pour pouvoir faire des trucs comme ça. C'était quand même la classe que vous alliez, que vous vous déplacez. Ouais, c'est ça. Bon, après, c'est pas des sommes délirantes, quoi, mais je trouve que symboliquement, c'est chouette que ce soit le podcast qui ait réglé l'hôtel, etc. Quoi. Ouais, non, c'est vrai. Chouette. Et j'espère que l'épisode de Luminé en est un beau remerciement. Quoi. Nous, en tout cas, on a adoré. Alors, on va introduire un nouveau membre de l'équipe. Ça, je vais te laisser faire, Alan, parce que tu en es très fier. Ouais, je suis assez fier. Ouais. On accueille un nouveau membre au sein de l'équipe de Podcast Science. C'est notre community manager, Samuel Goli. D'ailleurs, il est dans la chatroom. Il y était tout à l'heure. Vous pouvez voir son avatar. On mettra une image de son avatar, bien sûr, dans les notes de l'émission. Alors, Sam a râlé sur Facebook parce qu'il trouvait qu'on communiquait comme des manches sur les réseaux sociaux, en annonçant les épisodes uniquement quand on avait le temps de le faire, par exemple, quand on y pensait. Il n'en a bien sûr pas fallu davantage pour que je sorte de ma retraite paisible et que je le recrutasse. Nous avons donc un communiqué. Tu veux dire que tu lui dises le commun, si t'es si malin, t'as qu'à le faire toi-même ? C'est exactement ça. En fait, ma méthode de recrutement n'a plus de secret, c'est un peu énervant. Mais ouais, c'est ça. Et puis il a eu une petite formation express durant le week-end et puis nous avons donc un community manager à partir de maintenant. Il va servir la science sur les réseaux sociaux avec la joie pour tout salaire et il a du boulot. Sam, bienvenue à bord. Merveilleux. Ouais, merci. Il y a déjà eu des premiers échanges de mails où Robin a essayé de comprendre un mail qu'a envoyé Alan à Sam. C'était sympa. Ouais, après j'ai arrêté de les envoyer à travers la liste de diffusion. Pauvre Robin. Enfin, j'ai essayé de traduire pour Robin. Hein. En plus, je l'ai dit, mais c'était même pas vrai, j'avais presque tout compris. Bon, là, il y a le moment qu'on préfère quand on est à une semaine du dossier de Robin, c'est qu'on va enfin savoir de quoi il parle, vu qu'il est obligé de faire son pitch. Je ne sais plus où j'ai lu cette condamnation ô combien méritée. Quel que soit votre rêve, quelque part en ce moment dans le monde, un scientifique est en train de travailler à le briser. Si vous aimez jouer, n'écoutez pas l'épisode de la semaine prochaine. Je ferai un petit point sur ce que les matheux ont à dire sur le sujet des jeux. Si on prend goût à leur approche, soit on constate qu'un jeu n'a plus aucun intérêt, soit on préfère y jouer tout seul pour trouver la meilleure des stratégies. Bref, on court le risque de finir seul, loin du bruit, loin des gens, à gratter du papier ou à programmer frénétiquement un simulateur de jeu qui gagne à tous les coups. Vous êtes prévenus. Putain, mais tu vas la traumatiser ta fille. J'adore. Pour bah raison. Ouais. Ouais, moi, j'ai prévu. Ça fait très longtemps que j'ai envie de le faire. J'ai prévu de faire le. Parce que les ronds qui rentrent dans les ronds, les carrés qui rentrent dans les carrés et tout, c'est pourri. On peut quand même faire un objet qui, suivant la direction dans laquelle on le fait passer, rentre dans un triangle, dans un carré ou dans un rond, quoi. Non, mais attends, il faut que tu laisses l'éducation de ta fille à ta femme. Hein. Attends, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Non, pas que je laisse. C'est pas ça, mais le coup du rond, c'est un cylindre. Si tu le regardes de profil, c'est un rectangle ou un carré, mais c'est pas un rond, quoi. Ça s'annonce grave. Oh pétard. Ouais, bon. Il n'y a pas d'espoir. Si j'ai bien compris, tu vas parler des jeux, c'est-à-dire de la théorie des jeux, ou il y a d'autres choses? Oui, alors je vais parler de jeux. Ça va pas être. Je vais sans doute revenir un petit peu sur ce que David. Donc Zil, faut que je traduise parce qu'il y a beaucoup de David, avait abordé dans son compte rendu du GECO là. Mais je vais pas mal parler aussi d'autres choses, de plutôt les jeux, ce qu'on appelle les stratégies au jeu, stratégies gagnantes, etc. Donc des choses aussi différentes. Je vais faire un petit tour de voilà ce que les matheux peuvent raconter sur le jeu en essayant vraiment de rester sur des jeux qui sont des jeux. Donc ce qu'on appelle théorie des jeux, souvent c'est un peu éloigné de vrais jeux, en fait. Bon, comme ce soir, on avait quand même quelqu'un d'un peu plus sérieux que Robin. On a eu une quote qui a été laissée par Stéphanie avant qu'elle parte. Donc, c'est une quote de Claude Bernard, comme elle l'a dit, qui dit « La vérité scientifique sera toujours plus belle que les créations de notre imagination et que les illusions de notre ignorance. » Putain, j'ai rien compris. « La vérité scientifique sera toujours plus belle que les créations de notre imagination et que les illusions de notre... » Mais ça, c'est, pour moi, c'est ça, c'est les phrases. C'est typiquement le truc, j'arrête... Il y a des gens qui ont la phobie des maths, moi j'ai la phobie de la philo. Parce que je c'est des codes qui sont faits pour réfléchir, c'est juste pour ça. Moi, ce que j'aime bien, c'est que ça vient juste après que j'ai dit que les scientifiques passaient leur temps à casser nos rêves, quoi. Ouais, alors moi je suis pas d'accord, mais alors du tout. Moi non plus. La vérité scientifique, c'est un truc qu'il faut définir. Je pense pas qu'il y ait de vérité scientifique. Et puis, enfin, plus belle que les créations de notre imagination, attends. Ce qui est curieux, c'est que la vérité, enfin, la construction scientifique, c'est en grande partie une création de notre imagination. Ouais, et puis le Stabat Mater aussi, c'est une création de notre imagination. En fait, on peut pas dire des trucs pareils, quoi. Mais donc Stéphanie va revenir, je pense qu'on va commencer par là, quoi. Il va falloir. Ouais, là, il faut une t'es parti de chez nous avec cette côte, on aimerait en reparler. Ouais, c'est ça. Elle fait pouf, allez, je vous laisse avec cette merde. C'est pour ça qu'elle est partie, en fait. Non, mais c'est. Ah ouais, non, c'est ardu quand même. Et que les illusions de notre ignorance. Ça veut dire quoi, ça? Bah ouais, moi je suis pas sûr que ça veut dire quoi. Et c'est pas sympa de détruire la côte d'une invitée qui est partie. Là, elle avait qu'à rester. Mais non, mais c'est une quote, c'est très bien. C'est non, mais le nom de la personne qui cite est très bien, quoi. Bon, après, les autres mots... Et encore, le mec, il a deux prénoms, quoi. Fais chier. Ouais, c'est un peu d'un... sans méfier. C'est qui, ce mec, de toute façon? Considéré comme le fondateur de la médecine expérimentale. Ah bah bravo, hein. Il faut quand même lui laisser ça, il n'a pas dit que des bêtises, le garçon. Mais bon, c'était il y a longtemps, c'était au 19e siècle. Allez, on passe au plug. Il ne faut pas que l'émission dure 5 heures, là, quand même. Ouais, c'est vrai. On passe au plug. Vas-y, c'est toi qui es le premier. Ouais, un petit plug pour un bouquin d'un certain Léo Grasset, d'une chaîne qui s'appelle Dirty Biology. Donc d'abord, je vais commencer par cracher mon venin aussi, puis après j'en dirai du bien. Le venin, c'est qu'il n'existe pas en version électronique. Hein. Bisous Léo, si tu as moyen de dire que ce serait bien qu'il y ait une version électronique, n'hésite pas. Hein. Ah, c'est les éditions du Seuil qu'il faut sur lesquelles il faut cracher. Ouais, quand les auteurs tapent dessus, ça peut être bien. Mais attends, c'est son premier livre. C'est son premier livre. Mais après, le livre est très sympa. Bon, accessoirement, c'est bien de l'avoir en papier parce qu'il y a des illustrations de photos qu'il a pris lui-même, a priori. Avec plein d'animaux sympas. Comment dire, c'est un bouquin de science qui parle d'animaux, un peu des sujets Pierre Kerneresque pour les auditeurs du podcast qui connaissent peut-être un peu moins bien Léo. On pourrait croire que c'est un bouquin pour tout le monde, à part qu'il faut quand même savoir que ça parle de pénis, dès le premier chapitre, et d'animaux qui bouffent des testicules dès les derniers chapitres. Donc, faut pas le mettre dans les mains des enfants trop jeunes, mais à part ça, c'est très sympa à lire. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir, c'est très court, et puis c'est sympa, voilà. Ça s'appelle Le coup de la girafe, c'est chez Seuil. Et donc, c'est de Léo Grasset. Et je crois qu'on en a un à faire gagner, c'est ça, Alan ? C'est exactement ça. D'abord, je voulais quand même préciser pour Robin que Léo Grasset, dans la dernière page de son ouvrage, remercie Pierre Kerner et les copains du Café des Sciences. Je dis ça, je dis rien. Et puis, il a dédicacé un exemplaire pour un ou une auditeur ou autrice du podcast. La première personne qui nous donnera dans la chatroom le nom du blog de Léo Grasset le remportera. Moi, je sais. Moi aussi. L'excellent titre du blog de Léo Grasset. Ouais, il est bien. J'aime beaucoup. Presque aussi bien que le titre du blog d'LGJ. Je dis ça, je dis rien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de pub pour LGJ. Ah non, il ne faut pas de fautes d'orthographe, hein. Ouais, LGJ vient de répondre, mec, une faute d'orthographe. C'est ballot, LGJ. Et t'as le droit qu'à une réponse en plus. C'est vraiment trop ballot. Et voilà, superoxyde, bam. Ouais, superoxyde, la gâte. Oh, vous êtes dur. LGJ, il a les nerfs. Il a corrigé son poste, LGJ. Tricheur. Et LGJ. Vous te propose dans les couilles de l'évolutionniste. Donc, c'est. L'idée. Le blog s'appelle Dans les testicules de Darwin. Et puis, moi, c'est je dis que LGJ, ah, c'est rude avec LGJ, quoi. Ouais, mais LGJ, attends, LGJ fait partie du podcast. Il ne peut pas gagner. Bon, d'accord. Le dessin d'une tire redoutable. Bon, bah, en tout cas, n'hésitez pas à l'acheter. En plus, il est très facilement trouvable. Ça, c'est là où j'ai été hyper étonné parce que j'ai entendu en parler dans ses vidéos. Et en fait, je l'ai trouvé en tête de gondole à la Fnac. Donc il est assez facile à trouver, en tout cas en France. Et c'est très vite lu, c'est très sympa. Et il y a des illustrations à l'intérieur. Je crois que c'est son frère, c'est ça qui fait les illustrations. Ouais, cool. À ce propos, Dirty Biology, Léo est paru avec Bruce, votre ami Bruce, et Patrick Baud et le professeur Moustache, alias Marion Montaigne, à Lyon, pour un truc qui s'appelait Vulgarisator, et ils ont tout tué, quoi. Alan a pu rentrer dans la salle de l'ENS, là où on avait fait, enfin, c'était en face de là où on avait fait Lyon Science, et il y avait 500 personnes qui pouvaient être admises, et il y avait 1000 dehors qui n'ont pas pu rentrer dans l'amphi, tellement il y avait de l'affluence. C'était juste énorme. Et grâce à Alan, on a eu un live tweet, parce qu'il y avait, par contre, rien de prévu pour pouvoir avoir une sorte de feedback live de l'événement, ce qui était un tout petit peu dommage, mais du coup, grâce à Alan, on avait l'impression d'y être. Donc merci encore Alan pour le live tweet. Bah, merci à Bruce, en fait, qui m'a fait rentrer, parce qu'autrement, je n'entrais pas. Il y avait un truc, mais on aurait dit un concert des One Direction. C'était un truc de fou. Il y avait une foule, vous ne pouvez même pas imaginer. Et effectivement, au moins la moitié de l'audience est restée dehors. C'était juste pas possible d'entrer. Et puis moi, j'ai eu la chance de tomber sur Bruce qui est sorti fumer une clope et je lui ai sauté dessus. Autrement, je ne rentrais pas. Quoi. C'était mort. Et, ouais, en tout cas, moi, ça m'inspire vraiment plein de réflexions parce que c'est ces chaînes YouTube de vulgarisation scientifique. Elles sont en train, enfin ces personnes à travers leur chaîne sont en train de réaliser un de mes vieux rêves. On commence à avoir des stars de la communication scientifique, les gens se déplacent, t'as des espèces de phénomènes comme on voyait qu'au concert, et c'est génial. Enfin, ouais, et puis se déplacent à une heure et à un moment donné alors qu'on voyait pas ça sur internet aussi, quoi. Alors déjà ça a été super mal communiqué. Et puis bah, c'était effectivement un jour férié dans une ville de province. Enfin, ça, c'est un truc de fou, quoi. Je pense que personne s'attendait à une affluence pareille pour un truc comme ça. Enfin, moi, je pense qu'il y a vraiment un gros phénomène en train de se passer, puis c'est plutôt génial, quoi. Je trouve qu'on est privilégié de pouvoir assister à ce phénomène, puis en plus on les connaît, c'est des copains, et qui nous écoutent probablement. Bravo en passant, vraiment. Félicitations. Robin ? Grâce à LGJ, que je remercie d'ailleurs d'avoir mis ça, d'avoir tweeté ça, ou un truc comme ça, je sais plus, j'ai vu ça sur son site, je sais plus trop comment. Je suis tombé sur une vidéo, la dernière vidéo de Science Étonnante, que j'ai trouvé vraiment très bien, à propos du paradoxe de Simpson, qui n'a absolument rien à voir avec le dessin animé, c'est vraiment complètement sérieux. Et plus ça va, et plus je me dis que vraiment il y a un gros travail à faire sur les statistiques, qu'il faudrait vraiment en parler et faire connaître toutes les choses qui paraissent simples et qui finalement ne sont pas simples et qui peuvent paraître paradoxales, etc. Et cette vidéo est un excellent exemple de comment on peut se faire avoir par des statistiques quand on ne maîtrise pas le sujet, et pourquoi il faut être prudent, etc. Et ça incite vraiment à creuser la question et à apprendre à gérer mieux ça. Donc je vous recommande fortement, chaudement, d'aller la voir. Et c'est Paradox de Simpson, pour rappel, c'est en gros... on prend le même échantillon avec la même question, on le découpe de deux manières différentes et on fait dire aux deux sondages des choses opposées, quoi. Les exemples utilisés, c'était la cigarette, pardon, la bière et la libido entre hommes et femmes, ouais. Et la taille des tumeurs et l'utilisation de médicaments ou de la chirurgie pour avoir de meilleures chances de survivre. Et c'est très très très très intéressant. Bruce d'y penser avait fait un truc pareil, mais enfin c'était pas sur les statistiques, mais c'était juste sur le lien de cause à effet que j'ai utilisé en cours et qui est d'une efficacité juste démentielle. Donc oui, il faut plus de vulgarisation dessus, voire des crossovers avec Nicolas Gauvry. Je pense que lui aussi serait très très bon pour pouvoir faire ce genre de choses. D'autant que c'est extrêmement utilisé en politique, typiquement. Ah, exactement. Mais, et que des scientifiques dans des domaines autres que les statistiques peuvent complètement se laisser avoir. Enfin, c'est-à-dire qu'on fasse de la bio, qu'on fasse de la physique, qu'on fasse n'importe quoi, ou en économie, ou en machin. On peut se faire avoir par ce genre de choses et je pense qu'il y a même des chercheurs qui doivent de domaines autres que les statistiques qui doivent se faire avoir régulièrement. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose. Voilà. C'est très pernicieux, hein, en effet. Et notamment de la difficulté d'utiliser des statistiques qui n'ont pas été des études qui n'ont pas été faites pour répondre à la question que vous vous posez. On avait l'origine de ta citation, Robin, sur il y a quelque part un scientifique qui s'évertue à casser ton rêve. Exact. Ça m'étonne pas trop. C'est un truc de boulet, ouais, je m'en rappelle. Sur ce, je crois qu'on a à peu près fini, à moins que quelqu'un veuille encore dire du mal de la citation de notre invité. La vérité scientifique. Ok, sur ce, pour conclure, déjà, on va dire un grand merci à Puyo et Inti qui se sont encore bien habillés ce soir à nous faire tout plein de dessins. Qu'on invite du coup à aller voir dans les notes de l'émission, comme d'habitude. Plein de dessins. Merci encore à eux deux. Bienvenue à Samuel, le nouveau membre de l'équipe. Bienvenue à LGJ, le nouveau membre de l'équipe qui ne savait pas non plus qu'il était membre de l'équipe, mais Alan en a décidé ainsi et c'est un dictateur, même déchu. Sur ce, fin de l'émission Freestyle. On se retrouve la semaine prochaine pour une joyeuse émission sur les jeux où on va beaucoup s'amuser, hein, Robin. Et d'ici là, n'hésitez pas à partager nos émissions, à écouter du coup les trois émissions qui sont arrivées d'un coup cette semaine et à partager ces émissions sur SoundCloud, Facebook, Twitter, sur l'internet mondial, sur notre site podcastscience.fm. Et puis d'ici là, que servir la science soit votre joie. Bon alors, Tube, c'est quoi ton pseudo là? C'est Nicotube en japonais. Non mais vraiment? Alors ça fait Nicotupe? Ouais, ça fait Nicotupe. Nicotupe. Et tu sais que Google Translate me donne une traduction de ce truc là. Qu'est-ce qu'il dit? J'imagine bien, hein. Je sais plus ce qu'il disait parce que ça avait aucun sens. Ah mais oui, mais moi j'ai Google Translate avec l'option caméra, c'est-à-dire que je peux prendre et il peut me traduire. Et tu peux même lui faire lire, t'as un bouton. Attends, c'est censé être du japonais, alors je clique déjà sur japonais, et puis hop. Ah, c'est bon, ça. C'est énorme. Oh, c'est trop mignon. Qu'est-ce que j'adore le japonais, putain. Ah, là, ça fait rêver. Tu l'insères dans le jingle. Nicotube, présente. Tiens, Alan, essaye ça, là. Les milliards de petits points, là, en japonais. C'est quand même... Ah, c'est bon, ça. T'as essayé, Alan, ou pas? Si tu mets quoi? Les 2-2-2-2-2. Ah non, j'ai pas essayé. Oh! Oui, c'est quoi, 2000 de... Ah, d'accord, oui, t'as raison. Ah, putain, c'est super... Si tu le mets en boucle, à mon avis, ça fait une musique dans la tête. Mais donc, ça voulait dire 2,222,222, c'est ça? Ah, j'imagine, ouais. Et puis, attends, si j'ajoute un 2... Putain, ça fait comptine, c'est génial. Math et musique pour Robin, là. L'ordinateur de Google, là. Ouais.